Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir, chers amis, et bienvenue à l'épisode 150. De 150? Oh my God! 150 épisodes déjà. Oh wow, mon Dieu. Wow. Et puis, on pas va. Pas toi, en fait, pas pour moi. Moi, je suis à mon 14e. Là, toi, c'est ça que je me demandais, ça faisait 136 combien? Que je suis embarqué avec toi. OK. Ben, ça compte. Là. Ben, ça compte certainement. Tu comptes dans la célébration. Ben fait oui. Qu'on va célébrer ça tout de suite en grande. En grande. On n'a rien préparé de big parce que. On est de même. On n'a pas le temps. On oublie que c'est le 150e. Il y en a un qui avait du WEG. Ben, toi, t'étais au WEG, puis moi, j'étais au tournoi de hockey de mon garçon à Elmer toute la fin de semaine. Et puis, le dernier épisode d'avant, on avait un invité. On a eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs, à aller écouter ça. Fait qu'on prend dans les idées de backup. Spécial de Thaïs ce soir. Exact. Ça aurait été le fun, mais non. Mais on a des Joe Louis. On a du spécial. On a des Joe Louis. On a toujours bien un gâteau de fête, mesdames et messieurs. Pète alors, le champagne. On pourrait boire le Porto. Le Porto, on en a parlé l'autre fois. Puis 200e, on a dit. Ou peut-être. Dans 2 ans. À Noël, peut-être. Ah oui, à Noël en pyjama. Regardez bien à feu. Exact. Fait que là, ceux qui nous écoutent en audio, ça griche. Ça griche beaucoup. C'est parce que je sors les Joe Louis. C'est-tu moins hostie ou bien ils les font plus petits qu'avant? Non, ils les font plus petits. En fait, tout ce que tu manges maintenant est plus petit qu'avant. C'est vrai, hein? Quand, ça a un nom, ça. Comment ça s'appelle, donc? C'est de l'inverse. On est dans le chat. On va mettre les gens dans le chat, d'ailleurs, à l'écran. Chief Langua qui dit « Arrêtez de parler du Porto puis ouvrez-le. » Des Joey trempés dans le Porto, Hidalgo Quin. Ça serait malade. Non, c'est l'inverse de l'inflation, là. La déflation? Ben, on penserait que oui, mais c'est pas ça. En tout cas, dans le chat, si vous le savez, ben là, oui, n'importe quoi, la réduction des portions, là, c'est... Les biscuits sont rendus plus petits. Exact. Genre, les Big Mac. Les Big Mac. Les Mac Extra seraient tellement rendus plus petits qu'ils auraient été d'en faire, si. Hey, ouais, on est gâtés pour vrai. Hey, j'ai même des chandelles. On a les mains plus grosses quand on était petits. Déflation. On a Rotoculteur des Enfers qui dit « Wow, je suis retourné voir Papa Cassette depuis le début, première fois live. » Nice! J'ai pris une douche et j'ai mis mon plus beau pyjama pour l'occasion. Hey, c'est cool. On dit « Réduflation même... ». Tortoc le barbare qui la dit « Réduflation ». Ouais, je pense que c'est ça, en effet. Ça se pourra. Ça se pourra. Ça se pourra. Si on fait juste dire des quotes. Sans... Moi, je parle juste en quotes maintenant. Là. Hey, ben, merci à Rotoculteur des Enfers d'être là. Merci tout le monde qui sont là pour le 150e. C'est merveilleux. J'haïs pas ce que Genius35 dit aussi, c'est que nos mains sont plus grosses ben qu'avant. Ben oui, effectivement. Nos mains de travailleurs, là. Exact. Parce que moi, je sais même plus, j'en ai parlé sur le show, mais pour la bière, tu sais, on dit la blanche de Chambly a changé de goût. Puis ce qu'on dit, c'est que non, c'est tes papilles qui ont vieilli. Ça se peut. Et puis que t'as mangé des choses pendant 30 ans, puis que là, tu y regoutes aujourd'hui. Fait que tu sais, t'as des ça changements. Ça se pourrait. Fait que ça se peut que ça soit nos mains qui sont plus grosses. Il faut que je teste aussi la deuxième canne, fait qu'on va le faire comme ça. Voilà, c'est notre... Et voilà. Je vais la recadrer. Attends. On va essayer de pas crisser le feu, là. Est-ce que c'est genre du direct solide, ça? On peut-être dans la caméra de collection, de bord? Ah, voilà. Est-ce que c'est là que je parais comme image? On dirait des seins. Ben ouais, on va se faire bannir. Ah, ça se peut, ça. Mon Dieu. Et voilà. C'est magnifique. As-tu vu ça? Célébration du 150e. Jim arrive juste à temps pour ça en plus. Mike Leclerc qui trouve ça très drôle. C'est en grande. Je suis parti à la course après-midi au dépanneur de Crade à côté pour aller acheter une boîte de Joe Louis. Puis les chandelles, pour ceux qui s'intéressent, c'est des chandelles Dolorama. Alors, fait que là, on attend notre commandite de Vachon ici. Oui, et puis Vachon est toujours à Sainte-Marie-de-Beauce, mais ça a été racheté par une compagnie qui a un drôle de nom, là, qui est fucking immense, là. Bimbo. Bimbo? C'est même pas des jokes. Ah, ouais. Bimbo, c'est énorme, ils ont le pain, ils ont mille affaires. Okay. Fait qu'ils ont racheté Vachon. Parce que ça avait été racheté par Saputo, puis Saputo l'a vendu à Bimbo, je pense. Fait que ça devient de plus en plus triste. De moins en moins québécois. Bimbo, petit automobile? Oui, ça... Ça devrait rentrer dans la rotation des archives, ça, là. C'est vrai, on pourrait mettre des ça. Des épisodes de Bumbo. Petite automobile. Ou si on veut être déprimé, on peut mettre du déméthane aussi, des vieilles affaires. Ah ouais, du hot cheese, puis s'ouvrir les veines avec un exacto. Ça. On va rester dans le rétro, les jeux rétro et dans les pierres à feu pour l'instant. Il y a beaucoup de stock à passer encore. On a vu d'ailleurs tantôt l'apparition de Boom Boom et de Agathe. Oui, parce que Gazou est là aussi. On est dans la saison la plus récente, je pense. Exact. Saison 6, ben, plus récente de là, 40 ans, mais ouais. Oui, oui, c'est ça. Mais quand même, c'est le plus récent Flintstone shit que vous allez voir. On a Genius qui dit qu'il a tout vu, rétro nouveau au complet, et très heureux de nous voir. Merci beaucoup. Merci énormément. C'est très gentil. Ah oui, Bimbo, c'est une compagnie mexicaine. Hidalgo Kane nous met la lumière là-dessus, alors voilà. Merci Genius qui nous dit « Bravo pour votre continuité, j'ai tout vu de rétro nouveau et heureux de voir. » Ouais, c'est ça. Ben ouais. Alors, fantastique. Jeff, prends-toi-en un. Alors, merci, Jeff, d'être on board et puis d'avoir changé le visage du spectacle. Ouais. Ça n'a fait que monter depuis ton arrivée. Il y a de la petite... Ça coule dans mon gâteau. Ouais, ben moi, je vais juste prendre une bouchée, là. Mais voilà. On va souffler ça. 150e. Cheers. Là, on espère pas faire partir les sprinkles. C'est drôle, par exemple. Les sprinklers, des sprinkles. Les sprinkles. Toutes des genres de petits bonbons qui revolent dans les airs, là. Genre. Pouf, pouf, c'est nous autres. Bon, ben. On s'en prend une petite bouchée. Comme dans mon enfance. Ça goûte bon. Ce goût délicat de shortening. Graisse Crisco, soda et sucre. Hey man, la graisse Crisco, là. C'est juste dans un genre un baril de Crisco, genre de la graisse. Ah, là-bas, ils doivent en avoir, là. Du Saint-Doux, esti. Ils doivent avoir des containers de graisse, eux autres, là. Du Saint-Doux. Ils sont tous aussi bons qu'avant. Oh, il y a le petit côté croustillant comme avant. Là. Ouais, ouais. C'est réussi. Pas déçu. Des très belles festivités. J'en ai plein la bouche. Non, j'en perds mes mots. C'est merveilleux comme ça. On va continuer de livrer de la qualité pour 150 épisodes encore. Ben là, au 200... Le bon hydrogéné, ouais. Le bon... Le 200e épisode. C'est un vrai milestone, celui-là. Ça sera dans deux ans et plus, là. Fait que c'est... Ouais, exact. Peut-être à Noël 2026, on... Si on est encore là pour remporter. On est encore vivant et on n'est pas mort de trop pas manger de ça. Rien, c'est ça au Porto. Lâche-nous que le Porto. On va le boire en public. Il est dans nos, on va le boire, c'est sûr. On va le boire. Est-ce qu'on va être chaud ce fois-là? Si on le finit, on va être chaud, c'est sûr. Là. On le fera chez vous. Comme ça, je vais pouvoir aller dormir chez mes parents. Ah, ça va être ça, ou je reviendrai en taxi. Ah, ben oui, on peut prendre la Mad Patreon Money pour te payer le taxi back home. On met un matelas dans mon sol. Il y a de la place de dormir chez nous. Tout ça se fait. Tout ça se fait. Je prends juste un petit verre d'eau. Mais merci tout le monde qui sont là dans le chat en ce moment. Le best, c'est de les manger froid. Le chocolat est... Ben oui, t'as le beau jeu, t'as raison. Moi, j'ai été élevé au gâteau vachon, premièrement. Et deuxièmement, au gâteau vachon dans le congélateur. Toujours. Moi aussi. Au frigeur congélateur. C'est plus au frigeur, mais le congélateur, c'est encore meilleur. Ouais. Léa caramel, bien, bien freezé, c'est bon. Oui, là. Oui, c'est vrai que c'est plaisant. Les rosettes, ils en font plus, ça me fait tellement peur. Ouais, ouais. Que le crémage, c'est comme un petit bloc là, qui te fend dans la bouche un peu. Là. Ah, mon père avait tout le temps une boîte de roulés suisses aussi dans le frigeur tout le temps. Là. Oui. Quand il y avait le petit papier goldé, pas goldé, là, mais argenté. Oui, là. Oui. Arthur s'est rendu transparent. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. C'est vraiment le fun. C'était comme du papier spatial de la ouais, NASA. Ouais, jamais si ton roulé suisse était craqué ou pas quand tu l'ouvrais. Des fois, t'es comme tout genre de la merde qui tombe dans le chocolat. Ouais, ouais. Il y avait des logs aussi. Have Joe Louis with candles.gameobject.activate. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? ERG. C'est genre, c'est du game design de Joe Louis. Ça, c'est des codes de game design. Là. Ok, ok. C'est très drôle. Je vais le mettre à l'écran, ça me fait rire. Est-ce que c'est des jokes de programmeur? Là. Ouais, il est comme. Il dit prends l'objet du Joe Louis avec une chandelle, puis il va me chercher la hiérarchie de ça. Est-ce que c'est hot? C'est parfait. J'aime ça qu'il y ait du lore de. On est rendu avec du lore de programmeur dans son show. J'aime ça. Je ne pense pas qu'il y a l'air à voir dans le show. Est-ce que c'est beau? Les bûches version sont pas mauvaises aussi. Ouais. Oui, oui, c'est du gâteau. Tortoc qui parle de passion fliqui. C'est bon, mais ça salive. Ça se défait tout en morceaux. Là. C'est... T'en rappelles-tu avant, ça s'appelait autrement? Ça s'appelait des feuilletés. Ah, et ouais, puis les millefeuilles, ça s'appelait des millefeuilles. Et puis je pense qu'ils ont. Puis ils avaient fait une annonce à TV pour expliquer pourquoi ils ont changé de nom. Puis il y avait une chaîne de montage, les gâteaux passaient, puis ils étaient emballés. Puis il y a un gars qui disait passion flaqui. Hey, guys, ça me dit quelque chose. Il y a un problème. Puis, le nom, c'est ça à cette heure. Mais je me rappelle plus pourquoi. Puis bon, Joe Louis, comment dire par M. Miller. Ils ont appelé ça de même. Mais ouais, des millefeuilles, c'est bon, mais ça se mange mal, ça, avec. Tu prends une bouchée, puis c'est genre tout le crémage juste en bas. Puis, oui, ça fait pouf. Ah, c'est ça, là, ça s'est foué. Genius dans le chat qui dit qu'il n'y a plus de petites haches rouges sur les plastiques de bûches. C'est vrai. Ça, c'était le fun, ces petites haches-là. Tu peux t'en servir après pour faire comme si dans Castlevania. Exactement. Il y en a peut-être encore ces bûches à crème glacée Lambert, par contre, qui étaient aussi très populaires chez nous. Ce qui... c'est ma préférée, moi, celle-là. C'est la classique roulée, genre crème glacée puis chocolat avec cerise dans le milieu. Cerise. Cerise. Oui. c'est en fait un gâteau forêt noire avec de la crème glacée. Exact. Tout d'un pain. C'est parfait. Moi, ils ont bien vu ça, les Lambert. Ils ont bien des bons gens. Des bons gens. Cacher mon Joey, me le manger en cachette pendant le gameplay tantôt. Ouais. Ou tu mangeras dans ton char en revenant, te donner une petite énergie. C'est vrai. Je me mets dans la boîte dans mon auto. Mais non, mets ça dans ton frigidaire et ton staff. Ouais, hein? Ben oui. Ou c'est moi qui vais finir par les manger comme un animal l'après-midi. On verra bien. Ou donne-en à Martine et à Joe. Là, ah, Martine, c'est sûr qu'elle va en vouloir. Elle aime ça. On aime ça grignoter, moi puis Martine. Fait que. Ça sera mon cadeau pour avoir cassé deux trépieds de micro. Là. Parce que oui, c'est moi qui brise l'équipement maintenant. Là. Ah, mais dans le fond du bac. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est peut-être la manière dont ça a été rangé aussi, que c'était pas approprié. Ouais. On a discuté en fait semaine durant un week de tout ça, d'ailleurs. Exact. Ben, dans le fond, en intro, moi, on avait deux affaires. Le week auquel tu es allé et où est-ce que je ne suis pas allé. Et puis, moi, je veux juste parler un petit peu du tournoi de hockey de mon gars, vite. Ben oui, vite, ben oui. Mais. Je peux commencer par le tournoi d'hockey, ça sera pas long. Donc, mon fils, qui est à Midget A, donc Midget deuxième année, il avait un tournoi à Elmer. Ça, c'est comme genre un quartier dans la périphérie de Gatineau. Là. Mais finalement, on a joué aussi à Gatineau. On a joué dans quatre arénas différents. Okay. Fait qu'on s'est rendu en finale. On a perdu en prolongation j'ai vu ça, là. La finale. C'était très crève-cœur. Pour vrai, j'avais bien de la peine pour les petits gars, mais... Pour vrai, on se fait tellement torcher. En ville, ici, là, à moins que ça soit le 2A puis le 3A, là, mais les catégories de base, en tournoi, on se fait tout le temps torcher par les équipes de campagne. On a joué contre la Beauce, man, à un moment donné, une équipe de Beauce. Là, on s'est fait laver, là, genre 8-1. T'es pas capable. Puis moi, ma théorie, c'est que dans ces coins-là, plus petits, tout le monde joue au hockey. Ouais, peut-être un peu de ça aussi. Ici, il y a une grande condensation de gens, mais c'est pas tout le monde qui joue au hockey. C'est comme dilué un peu. Et aussi, des clubs midget, il y en a 6, là, tu sais. En Beauce, il y en a un ou deux. Puis parce que toutes les plus... C'est les tops des tops. Les tops des tops sont calissement forts, puis les autres, c'est quand même fucking fort, tu sais. Fait qu'on était habitué à se faire torcher, puis là, ben, on s'est rendu en finale, puis on a perdu en finale, man. Fait que j'en prolongation, c'est un prolongation. On a vécu de grandes choses, puis je veux juste parler d'un événement qu'on a vécu. Un moment donné, on jouait, ben, samedi soir, notre match était prévu à 7h15, puis il y avait un match du 2A avant nous autres. OK. Les Voltigeurs de Drummondville contre l'Olympique de Hull. C'est ça encore l'Olympique de Gatineau, en fait, maintenant. Et puis, c'est ça, l'Olympique de Gatineau, mais les jeunes. Les jeunes voltigeurs, les jeunes olympiques avaient ces habits-là. Puis il y a eu de la marne, mon gars. Ils se sont battus. À la dernière, à la fin, il y a un joueur des olympiques, mettons, qui était devant le banc des voltigeurs. Puis là, ils chamoyaient. Là, ça a sonné. La game a fini. Puis bon, l'équipe perdante. Le banc s'est vidé. Ils sont mis à tapocher le gars. L'autre banc s'est vidé. Là, ça l'a fait une mêlée générale. Là, ça, dans le centre de la glace, ça s'est allé vers l'autre bord de la glace. Puis là, ça s'est mis à se tabasser dans full, man. Le monde, ils se battaient. Puis là, c'est comme violent. Oh là là, comme un début d'émeute. Le monde, ils sont fous, c'est-tu. Ben, ils sont malades. Puis moi, j'étais là avec mon petit gars, tu sais. Des jeunes de quel âge, ça? Genre 15-16 ans, c'est? Genre 16 ans, 17 ans, là. Je peux comprendre les jeunes sur la glace de... Ben, il y a de la testostérone. Oui. Les parents dans la foule, tabarnak, contenez-vous. C'était colon, là. C'est épais, à un niveau, là. Puis, tu sais, ils vendent de la bière là-dedans. C'est colon. À 3,50. Puis, tu sais, je dis ça, puis je suis dans la foule, puis quelqu'un me pousse dans le dos, je le slug sa gueule direct, probablement, c'est là. C'est comme... Mais pourquoi quelqu'un te pousserait dans le mais dos? Mais c'est ça, tu sais. Pourquoi vous faites ça? Genre, c'est quand même niaiseux, là. Tu sais, puis ça s'envoie chier entre adultes, puis ça en vient au coup, man. Genius qui dit que ça a été sur le web, puis qu'il a vu passer ça. Tu l'as vu passer, hein. Moi, j'ai filmé. Il y a plein de monde qui ont filmé. Mais je pensais que c'était le match de ton gars quand tu m'as envoyé. Fait qu'au moins, c'était pas ça. Non. Hey, non. Ça a été dans les journaux, le journal La Tribune, je pense. Des plus petits journaux. Parce qu'ils doivent pas accepter les batailles, j'imagine, d'habitude, dans ces matchs-là, juniors. Là. Non, ben, ils acceptent jamais la bataille. Là. Fait que ça a juste dégénéré en grosse bataille générale. Exact. Okay. Puis là, il y a même des joueurs. Slapshot 2024. Il y a des joueurs, parlant de Slapshot, qui sont mis à grimper sa baie vitrée pour aller dans la foule pour essayer de varger le monde. C'est vrai qu'il a lancé. Comme dans Slapshot. Il a lancé ses clés ou un ranch. Un fou qui a lancé un ranch. une chaîne à Bessic. Une chaîne à Bessic, c'est à Yale. Mais ils n'ont pas réussi, mais ils essayaient de donner des coups de bâton au monde dans la foule. Ah, oh, c'était, man. C'était gringué, voyons donc. Colon, hein, j'en reviens pas comment c'était cave. C'était fou. Moi, autant j'apprécie le sport du hockey, autant ça me gosse, là, pour vrai. Ouais. Mais juste les parents qui gueulent dans les estrades. Il y a des parents de notre équipe aussi qui étaient fucking intenses. Ça crie après le ref. Ah, ref! Mais les parents, de façon générale, calmez-vous dans les sports de jeunes, là. Ah. Quand j'étais au secondaire, que je marquais les games de baseball comme premier job, là, j'avais des parents qui m'envoyaient quasiment en chier. Oui, oui, absolument. Je suis comme, hey, c'est une game de genre Pee-wee C, tabarnak. On s'en calisse-tu, là? C'est clair. Parce que je mettais pas le tableau indicateur assez vite, genre à jour. Je suis comme, hey, je t'ai une feuille de papier crayon, puis je vais le faire après. Décalisse! Genre, voyons, là. ça s'envoyait chier. Je suis comme, aïe, aïe, game de fou, là. Ah, c'est terrible. C'est des singes. Mais pour vrai, pour la plupart, par contre, les parents après la game, on disait, hey, beau match, c'était correct. Puis les jeunes, ils font serrer la main aux jeunes avant les games à Star. Pour éviter ça. Pour éviter comme qu'à la fin, tout le monde est en tabarnak. Mais tu sais, quand ils mettent le joueur du match, il y en a un par club à la fin de la game, puis quand il va chercher son cadeau, ben là, l'autre équipe, toutes les ils gagnent up ensemble, ils tapent ses épaules. Fait que tu sais, c'est beau, là, c'est correct. Puis sur le jeu, des fois, ça devient un peu physique, mais je vois les jeunes, il y en a un qui tombe. Donc, ils se donnent une petite tape. Ah, c'est cool, excuse-moi. T'es sûr que la bataille a pas commencé, genre, à la poignée de main du début? On m'a tué, mon esti, j'en parle qu'ils à la main. Là. Ah non, non, c'était vraiment un club frustré de l'échapper puis de perdre. Là, t'sais, okay. Fait que, puis dans la foule, ils envoyaient chier. Non, non, ouais, c'est... Fait que moi, j'étais avec mon petit gars. J'ai deux gars. Le plus vieux était supposé embarquer sur la glace, mais tout ça a été retardé. Fait que j'étais avec mon plus jeune de 11 ans qui est un total artiste. Ouais, ouais, qui voit ça, genre, du monde s'envoyait chier. Aux cheveux longs, tu sais, comme complètement pas un hockey doux d'alpha, là. C'est pas un mâle alpha. Il serait pas dans la série alpha là, comme mâle. Là, c'est un garçon absolument incroyable, mais il fitait pas. T'sais, quand il y a genre 10 pick-up pour un char dans le cours, ouais, tu sais où est-ce que tu t'en vas et à quoi tu vas avoir affaire. T'sais. Fait que c'était rough. Fait que je voulais juste raconter ça, mais j'ai vécu des beaux moments. J'étais fébrile, man. C'était comme wow. Fait qu'il y a une pression, mais de hockey, de plaisir. Bien aimé avoir tous tes suivis des scores pendant que j'étais au WEG. je mettais ça dans le chat du WEG. Je suis pas au WEG, mais guys, on gagne. Mon WEG, genre, je m'en vais commencer. Ben, je commence. Je m'en vais partir de chez nous. Tu m'envoies un message. Kickle Cubicle. J'étais comme. OK. On a un CIB ici. Je serais trop marrant. Ça? Okay. On a même deux. Fait, si vous voulez l'acheter. Les morts, à la fin, dans le documentaire, ils font peur. Ils sont tous chrétiens. Ben oui. Ah ouais. Tu l'as-tu écouté, les documentaires? Non, je n'ai pas écouté ça. Non. Ça serait peut-être un sujet de discussion. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Non. Non, mais j'ai pas vu ça, là. Mais j'ai vu, là, ben, j'ai vu. J'ai entendu parler de le gars, tout le monde en parle, là, cette affaire-là. Là. Ouais, ben oui, mais ça, c'était ish un représentant de tout ce mouvement-là. Ouais, qui ont un podcast par rapport à ça. Ben, tout ça, là. Le podcast en est un, mais tu sais, ça. Moi, là, pour vrai, là, je regarde ça, là, puis genre, ça me fait chier que c'est ce monde-là de podcasts qui s'en vont à genre, tout le monde en parle. Ou des... Tabarnak, ça fait genre 15 ans qu'on fait ça. Soit notre front, puis on fait du bon contenu. Le monde, ça dit de la crise de vidange, puis ça se ramasse dans les médias, je crois. Ah oui, ça fait 6 mois qu'il y a un podcast. Tous les gens, les jeunes sont assis tout croche avec des micros à 10 000 piastres. C'est super bien filmé. Je suis comme, oh, okay, c'est ça, tabarnak? Genre. C'est ça. Je comprends pas. Genre, 1000 commanditaires. C'est ça. Là, ah, là ils sont loin. Le podcast, ça parle performe. De... Là, ouais, mais... là, ça parle de cul et d'affaires. Je suis comme, aïe, aïe, quel contenu de vidange. Genre, ah oui, puis tout le monde en a un. Est-ce que je suis le vieux qui crie en ce moment au nuage, peut-être, mais c'est tout le monde en a un. Tout le monde a une meilleure qualité que nous autres. Mais je m'en crisse, on fait du meilleur contenu. Ben, ils ont plus puis de on moyens. On a ce monde-là dans le chat, nous autres. Là. Ben, absolument. On n'a pas les millions sur TikTok, mais on a ce monde-là dans le chat qui sont là. Ouais, mais tu sais, justement, on le fait parce qu'on... Ben, je veux dire, si ça vient, tant mieux. Puis ça, c'est pas venu... Ben, je veux dire, on a les gens, là, mais on n'est pas... On n'ira pas à tout le monde en parle avec notre projet. Non. Pour l'instant. Mais RZO a passé à Infoman. Oui. Et André Principal. Fait que ça, c'est quand même cool, bon. Fait que bref, on prend la popularité qui vient quand elle vient, mais on le fait. Mais on a tout le temps eu notre popularité à nous autres, je pense. Puis à chaque fois qu'on était comme, ben on veut grossir, mais c'est juste parce qu'on veut pas payer pour faire ça. On veut pas nécessairement se faire payer, mais on veut pas débourser notre poche. Ouais, ben, les Patreons, ça sert à ça. Ça nous a aidé beaucoup. Fait qu'on a, c'est bien correct, là. Mais. Rien que du chiolage comme ça. Non, mais ce contenu-là, c'est du contenu pour du contenu, là, tu sais. C'est pas si compliqué. Il y a Genius qui dit que jusqu'à demain, Castlevania Anniversary Collection gratuit sur le Epic Store. Fait que oui, effectivement, prenez-le si vous avez le Epic Store. Absolument, absolument. À chaque semaine, Epic donne des jeux gratuits. Des fois, il y a de la grosse qualité comme Castlevania Collection qui sort gratis. Tony Biz, il faut jamais oublier que ce monde-là vive à travers les views puis les comments. C'est ça l'affaire aussi. T'sais, ce monde-là, c'est, il faut qu'ils fassent du contenu parce que c'est des influenceurs, c'est du monde de médias. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont rien. C'est leur exposure. Fait qu'ils, c'est nous ça. Autres, c'est comme c'est par passion. Là. Passion flicky. Absolument. Mais c'est vrai, hein? On dirait que ce monde-là, ils travaillent dessus, tu sais, comme probablement pas. Des job-in, genre de recherchistes ou de genre de whatever, des finançages, mais, là. Mais ils ont pas des carrières. C'est d'essayer de se faire une carrière de ça, tu sais. Bref. Ben, comme on le faisait quand moi, j'étais plus jeune, j'ai essayé longtemps d'avoir une genre de carrière de même sur le site, de faire des médias, puis ça n'a pas marché, puis c'est correct, là. Julien Bourniver, il n'a sûrement même pas 5 screws. Il n'y a même pas ça. Il n'y a pas de 5 screws. Non, il n'y en a pas de 5 screws. Ah, ça l'est le Alpha, ça. Ouais, je te gage que cet Alpha-là, il y a juste des 3 screws dans sa collection ouais. NES. Il y a des dettes de millions de dollars. Mais parle-nous donc du WEG, là, pendant que je nous débouche 2 bières. Ben, effectivement, encore une fois, cette année. Voulais-tu une bière? Ouais, ouais, ouais. Donc, pour ceux dans le chat qui ne seraient pas au courant, ce que c'est le WEG. Donc, le WEG, c'est le Weekend Gaming. Donc, c'est un regroupement de chummy, dans le fond, une fin de semaine de 4 jours dans un chalet de multimillionnaires, là, à amener trop de bouffe, trop de jeux, puis avoir plein de fun, et puis juste être là entre chums, puis déconner, jouer à des jeux, puis fuir nos responsabilités de parents, oui, pour la plupart. Dormir effet. Moins que tu dors normalement qu'un enfant, pareil, mais c'est pas grave. J'étais raisonnable sur le sommeil cette année, un petit peu, là. SSS Frank qui dit ça, le fun, le WEG, c'est tout le temps très cool, le WEG, là, effectivement. On avait une crowd un peu différente ce coup-ci. Il manquait bien du monde de régulier. Il y avait un collègue de. Voyons, Stidej, qui est dans son groupe, là, un guitariste du groupe qui était là. Exact. Des amis à Eric Hébert aussi qui sont venus. C'était vraiment cool. Les putes, la coke et le Coleco. Le fameux PCC. Ouais, ouais, c'est le PCC. Waouh! Ah, oh, si on pouvait faire. Si Gazou pouvait être ici pour nous fabriquer des t-shirts live à un le claquement PCC. De doigts. Le PCC. Put Coke Coleco. Oh. Puis oui, effectivement, là, j'ai encore amené ma plancha. J'avais encore fait beaucoup de bacon. J'avais même du saumon fumé cette année. Il y a des gens qui étaient bien contents de ça. Ah, ouais? Ouais. Ah, parce que vous avez fait des burgers de saumon fumé? Quoi. Non, non, c'était dans le déjeuner. C'était dans les options. Fait que maintenant, on est rendu avec une formule plus déjeuner continental buffet. Genre, prends ce que tu veux. Là, fait que. Bonin, Jean-Yann, une couple de personnes étaient bien contentes d'avoir du son fumé avec des bagels pour déjeuner, alors au lieu d'avoir toute la grasse. La boule de gras, ouais. Le gras, tout le bacon. Il y a eu 5 flancs de porc qui sont passés, puis il n'y en est pas resté. Ah ouais. Il reste 2 petits sacs, les 2 Eric sont passés avec, il n'y a pas eu de restant sinon. Là. On veut des vidéos du WEG sur votre YouTube. On peut pas faire ça malheureusement. Parce que les gens veulent pas nécessairement se faire filmer en état d'ébriété ou autre état quelconque. Là. Ben, on pourrait filmer les stations, des stations, des natures mortes, là, des puis, natures mortes. Ceux qui sont d'accord. Moi, là. C'est le fauteuil, comme ça, top connaissance. Là. La salle du suicide là, collectif, là, parce que c'est un château-là, il y a 3 étages. Puis au dernier étage, c'est comme une pièce unique, là, grande, avec un cercle de un grand cercle de fauteuils. Fait qu'on, c'est ça, c'est la pièce de la secte du parce qu'on est rendu avec un chalet corporatif, entre guillemets. Je pense qu'ils font des activités corpo là-bas, là. Donc, c'est pour ça que c'est rendu gros de même, là. Ah, puis ils nous le font à moitié prix qui est ouais, sur... Ouais, puis ils nous aiment beaucoup, puis ils disent qu'on fait très attention à leurs affaires. Fait que, tu sais, c'est, ouais. C'est cool. On donne du gros type aussi. On donne du gros type. On nettoie avant de partir. On casse rien ou tant qu'ils le savent. Bon, un verre ou deux, là. Ça me fait ça la game, arrive, ben oui, c'est... Pas comme Canatos qu'on cassait des tables de cuisine, là, mais... Je m'en rappelle pas. Non? Non. Quelqu'un était monté sur une table à genoux, puis la table avait fait comme... puis avait comme un peu pété en deux, là, mais... Ah, je ça devais fait pas longtemps, longtemps, longtemps. Ouais, c'est ça. On l'avait fixé temporairement, puis après une couple d'années, on était revenu, puis ah, il est encore fixé temporairement. Personne s'en est rendu compte. Ah, ouais, pour vrai! Je me rappelais pas de ça. Ah, c'est malade. Puis, il y a toutes sortes d'affaires aussi. Il y a parfois des choses qui s'improvisent, des dégustations, bières. Oui. Là, il y a beaucoup de joueurs de cartes aussi maintenant. Ils jouent beaucoup à Magic et l'Orcana. L'Orcana. Énormément. Il y a eu une game de poker. D'habitude, je vois pas. Là, je suis allé et j'ai gagné la game de poker. Pour vrai? Après la game, j'ai fait comme, excusez les gars, j'ai oublié de vous dire que j'étais bon au poker. Fait que j'ai gagné la game, ouais. Malade, malade. Au début, j'étais comme, les gars étaient crissement agressifs, ça misait genre deux personnes all-in au début. Je suis comme, ok, vous êtes fourrés, là, vous grindez. Là. Ah ouais. Deux heures plus tard, je pensais que 100 piastres dans les poches. Là, fait que ça, j'étais content. Donc voilà. 100 piastres? On était 7, fait que c'est 20 piastres chaque, 140. Le deuxième a eu 40, moi j'ai eu 100. Ok, ok. Ben, c'était écoute, bien, c'est parfait. Ça, c'est bien parfait. ben de la jasette à côté de la plancha, préparer la bouffe. C'était bien plaisant. C'était un WEG. Avez-vous parti un ongoing jeu de WEG? Il y en a eu un au deuxième, mais j'étais pas là parce que j'étais trop impliqué dans la bouffe et dans d'autres affaires, fait que j'ai pas suivi le projet. Faudrait demander à Martine, c'est elle qui avait fait un projet, je me rappelle plus c'est quoi. On n'est pas parti sur un genre de Krusty ou ce genre d'affaire-là, c'est pas. Ouais. Mais elle a fait de quoi avec Non, il y a pas eu. Il y en a eu un autre, mais je me rappelle plus c'est quoi du tout, là. Ben, on a eu une bonne idée. Comme prochain, on pourrait parler Gyromite. Ah oui. Gyromite. Ça joue à deux. On pourrait. Et puis, sans le robot, là, bien sûr, parce que c'est dégueulasse, là. Mais un qui avance, l'autre qui fait les poteaux. Puis, il y a 100 niveaux. Puis, tu sais, ça, je pense que ça pourrait être très, très bon, ça. On me demande à quoi j'ai joué au WEG. Vous allez savoir ça tantôt. Parce que ce sera mon contenu pour ce soir. Ben oui, absolument. J'aurai une critique complète et d'autres affaires un petit peu weird, spéciales à vous parler. Moi, je suis là dans le weird au WEG. Là. C'est rare que je suis sur quelque chose de, tu sais, on va jouer à telle affaire longtemps. J'aime. Il y arrive avec des affaires pas possibles. Comme, moi, j'embarque là-dessus. Là. Ouais, ouais, des cossins que t'as jamais entendu parler. Là, ou des... Ben, c'est ça qui est le fun aussi. Le monde, il amène toutes sortes d'affaires. Là. Il lit surtout, il y a bien du stock. Des fois, il amène sa pinball digitale. Ouais, je vais en parler tantôt, mais il avait amené des light guns. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait deux light guns pour un volant. Fait que c'était quand même bien. On a fait d'autres choses que sa pinball ce coup-là. Puis j'ai aussi monté en char avec Baroque Larouche. OK. Fait qu'on a fait un revival de la boucle infinie pour le temps d'une photo. On a appelé ça la corde infinie. Puis on se tenait le coup de même les deux. Là. C'est sur le A pour les gags de suicide. Là. Ah, y a-tu un chat de suicide? Non, mais il l'a mis en général parce que partout ce que j'écris de quoi, je me fais parler de suicide après. Là, fait que tout le monde pense que je vais me passer. Là. Ouais, c'est ça. C'est malade. Avez-vous. Tu es allé dans le spa? Ouais, je suis allé dans le spa deux fois. Malade. Ah ouais, j'avais bien aimé ça. Une fois, il y avait un peu de jasette. L'autre fois, je suis allé tout seul. J'avais besoin de 15 minutes tout seul. Ouais. On est bien. Bon, on repart la journée. Ah ouais, des fois, il faut débosser. Bien repu, plein de gras, puis bien plein de bouffe. Là. Malade. Des Smash Burgers qui ont été faits aussi cette année avec Flynet. Et comme Jeff, on a fait des boulettes. Là, j'en regarde. Comme, ils ont l'air petites, vos boulettes. On essaye. Je les écrase. Ça faisait des boulettes, genre, ça de gros. Ok, back up les gars, faut qu'on fasse des doubles boulettes. Fait qu'on a coupé les boulettes, mais on les a faites plus grosses. Là. Ouais. Fait que tout le monde a eu un burger simple, sauf moi et Flynet, on a eu des burgers doubles à la fin. Pour vous récompenser. Les Kings de la plancha. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que le WEG ferait un bon RPG dude, mais hein? Ah oui, ah oui, il y aurait plein de jeux à jouer, il y aurait des affaires de bouffe. Ce serait parce que tu pourrais... Des vidanges à gérer. Tu pourrais être sur le RPG... En dehors du web, puis quand t'arrives au web, c'est comme le tournoi un peu. Là. Fait que c'est là que tu testes tes skills. Là. Ça se pourrait. Mmh. Hein? J'avoue. Mettez tel jeune sur le hub. Je pense pas que tel jeune va venir me chercher, malheureusement. Ils vont dire que t'es trop vieux, dude. Pas en toi. Ah, malade. Mais ouais, fait que c'était bien plaisant. Là. Du gros fun, comme d'habitude. Comme là. D'habitude, ouais, c'est ça. Le monde, ils ont apprécié le château ou ils sont allés au château? Non, tout le monde a apprécié le château. Il y a bien de la place. Là, il y a des jeux de VR. On est combien qu'on demande? On était une trentaine. Il y avait du monde malade. Il y en a qui sont pas venus ou il y en a qui sont restés une soirée. Ouais, il y a eu des malades de dernière journée. Entre 25 et 30, là, je dirais. Là. Exact. Mais c'est assez gros parce que là, il y a des nouveaux jeux qui sortent en VR, qui sont en mixed reality, qu'on peut jouer en faire du laser tag, mettons, mais... Dans le local, genre. Ah ouais? Genre, on pourrait avoir des affaires qui sortent, on pourrait se courir après dans le château si on voulait dans le château. Dans le château. Dans le château à Lima. C'est un château. C'est un château. Le mais château on à Lima. On pourrait avoir des casses, tout le monde VR puis se courir après. On est quasiment rendu là. Ah, ça serait malade. Ça m'a donné. Là, il n'y avait pas eu de smoke meat cette année, à ce non, que j'ai ça vu. A été remplacé par du porc effiloché, qui est excellent, de Mr. Brizard. Donc, ok, ok. J'aimais beaucoup ça, moi, le smoke meat. Moi aussi, mais t'étais pas là, fait que c'est vrai. Ouais, c'est on ça. On le ramènera. Ouais, il y a encore eu la pizza, il y en avait encore trop. Fait que ah ouais. Je vais prendre des notes, on enlève 5. Je sais pas qu'on a commandé ce coup-là, mais. C'est-tu toi... Eric qui commandait? Oh, ouais. Ah, c'est ça le problème. C'est peut-être ça. Mais on... Il est trop enthousiaste. C'est ça. Mais non, ben du fun comme toujours. Là. Ça a été un beau week-end. Un beau jeudi à dimanche. Ouais, parce qu'avant c'était 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Puis là, on a rajouté. On s'énervait ben trop le vendredi, puis là, on était scrap le samedi. Fait exact. C'est... Fait que là, c'est deux journées à être scrap. Et puis, c'est pas mal mieux de même. Ouais. Batman en VR, c'est cool. Alien Rogue Incursion en VR, décembre, BMF. Ouais. Tous des bons jeux en VR qui s'en viennent. Batman, faut que je l'achète pour les critiquer éventuellement. Peut-être dans le temps des fêtes, là. Ben, n'importe quand, mon Jean-François. N'importe ouais, non, juste pas le temps de jouer. Puis, le jeu coûte 65$ là, sur. Puis moi, je suis genre à acheter un jeu, jouer 10 minutes, puis oublier que je l'ai acheté après ça, puis plus jamais rejouer. Là, fait que c'est... j'ai des affaires à essayer aussi. Ah, j'ai tellement de backlog présentement. Ouais, j'ai deux jeux à faire aussi, des codes que j'ai reçus, dont le deuxième c'est que j'ai reçu aujourd'hui, c'est Snow Brothers Wonderland, je pense le titre. C'est le nouveau Snow Brothers qui est vu au lieu d'être 2D arcade, ouais, il est isométrique. Là. Puis, en tout cas, ça me fait bien peur. Là. J'ai peur que ça soit mauvais. Mais je vais commencer ça, fait que je vais en parler bientôt. Donc, voilà. Mais vu que t'étais pas là en ton honneur, j'ai fait Batsugan tout seul dans mon poste. Ah ouais, hein? Ma TV était à peu près là devant moi. J'avais la 55 pouces, genre d'en face. J'étais comme... Puis, dans le moment du WEG, tu sais, il est comme 1h du matin, puis tes yeux comme collés, là, qui ferment tout seul. Let's go! Batsugan! Le vaisseau gros comme une face à tableau. C'est ça, exact. Dans ma face avec des bullets partout. Là, ouais. Quel classique. Quelle mauvaise idée de commencer Super Meat Boy aussi à 1h du matin, genre quand je suis complètement scrap. Ah non, ça c'est... Non, j'ai arrêté le projet assez rapidement après une coupe de tableau. Faut que tu sois concentré. Ben écoute, c'est merveilleux. Fait qu'on va continuer à en parler dans le segment gaming. Tantôt. Qu'on va faire tout de suite après collection. Fait qu'on serait prêt à aller en collection. On va aller en collection. Collection... Donc, voilà. On va commencer avec des jeux de Switch, qui est ici Halloween. C'est un combo de deux franchises d'horreur, Halloween et puis Ash. Ash versus Evil Dead. Versus Evil Dead. Et puis c'est Halloween. Écrit, c'est un jeu de retro. C'est, je sais pas pourquoi c'est écrit Retro Realms. Je sais même pas ce que c'est dessus. Mais c'est published par Nighthawk. Et puis, ça vaut 65$ ça, en retail. Chez Retro MTL, il y en reste. Et puis, c'est des jeux d'action 2D, des hack and slash 2D. Je sais pas s'il y a des aspects Metroidvania là-dedans. Je pense qu'il y en a un petit peu, mais ça semble être surtout level par level. Alors, c'est très bloody et très funny, très bien fait. Donc, c'est sorti de nulle part, cette affaire-là, pour vrai. Et puis, ça a été disponible à l'Halloween. Donc, voilà, j'ai pas déballé encore. On a commandé beaucoup. Peut-être un petit peu trop, mais je pense que les gens sont juste pas au courant que ça existe. Ton petit collant, il s'en va aussi. Non, il est fait comme ça, non? C'est quoi qui est écrit là-dessus? Exclusive Retro Rims Trading Cards. Yeah! Des os, des cossins. Cartes. Au moins, c'est dedans, tu sais. Fait que je peux les garder dedans. Ouais. Voilà, j'ai pas besoin, tu sais, de. C'est pas comme une affaire qu'il faut que je mette dans une boîte chez nous avec mes autres affaires. Une boîte. Les poubelles, dans le fond. Bientôt. Si c'était pas que ça avait de la valeur, ces affaires. Ah ouais, y'a ça, j'avoue. Ça. Et le deuxième jeu de Switch, il s'agit de Atari 50 Anniversary Celebration Expanded Steelbook Edition. Et puis. C'est ça, c'est un jeu que. Qui est sorti depuis un bout, et puis ils viennent juste de le ressortir. Ça a du contenu de plus. Et le contenu de plus que je savais... Ben, premièrement, ceux qui ne savent pas, cette magnifique, excellente compilation de Atari est faite par notre ami Michael. Ah oui! C'est fait par Digital Eclipse. Et puis, c'est que de la qualité. C'est comme un musée. Michael, tu travailles là-dessus? Non, il n'a pas travaillé dessus. Ça a été fait avant. C'est comme un musée, là, carrément, que tu peux visiter. Puis, il y a tous les jeux des fucking vieux ordi Atari jusqu'à la Jaguar. Donc, ça couvre toutes les consoles. Il n'y a pas toute la librairie de toutes. Mais il y a plein de jeux, des jeux d'arcade. Bon, vrai, c'est très, très, très complet. Ça va me le prendre. Puis, oui, ça prend ça à tout le monde, pour vrai. À moins que tu haïsses les jeux d'Atari et que tu vas y arriver. C'est juste disponible sur Switch ou c'est ailleurs? Ça? Non, c'est sur tout, ça. Okay. Tu peux même te le pogner en PS5, si tu veux. Ou sur mon PC, si jamais il l'a sur PC. Là. Mais hein, c'est beau. Puis, je voulais le déballer, en fait. Parce que là... Ouais, j'étais un peu déçu par l'arrière, les... Hein? Le gameplay en arrière, c'est comme des écrans noirs. Ben, c'est des jeux d'Atari. Oh, ben c'est ça, là. Fait que je vais le déballer sous vos yeux, mesdames et messieurs. Il y a Genius qui dit qu'il a commencé le gaming avec Popeye sur Atari. C'est celui avec qu'il faut t'aille sauver Olive, ça, là, Popeye. Ouais, Atlance des cœurs, faut que tu ramasses les cœurs. Il l'avait sur Famicom parce qu'il l'avait sur ma cassette de 32 en 1, ou 42, je sais pas quoi, là. Ben, c'est Nintendo qui avait ça à l'époque. Ah ouais? Ben, dans l'époque d'Atari, Intellivision et Coleco, c'était published par Parker Brothers. Et puis après ça, c'est Nintendo qui ont eu la licence, qui en ont fait un jeu d'arcade, et c'est pour ça qu'il l'a dans les Black Box sur NES. Okay. Donc moi, je l'ouvre en même temps que... Oh, regarde ça. Hey, c'est beau. Regarde ça, comment c'est chic. Tous les petits détails sur le côté aussi. Ah ouais. Ça, c'est comme un close-up d'un gros 50, je crois. Ah, peut-être. Tu sais, là, de même. En tout cas. Mais ça, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Ça fait disco un peu. Ouais, c'est vrai. Club 67. Tu sais, le film là, du club qu'il y avait à New York. Ouais, là, ouais, que j'ai un blanc moi aussi. Disco, mais... là. C'était très bon. Voyons voir à l'intérieur. Studio 64. C'est ça? Ah oui, c'est le Studio 64. Quel genre, là. Alors, c'est quoi ça? Carte d'affaires. Une carte d'affaires de Alan Alcorn. Wow. Attends, c'est qui ça? Ziggy. Ah, c'est une affaire de musée. Alcorn, lui. Asti, il a créé de quoi là, d'important, là, je ne me rappelle plus quoi. Mais il était à l'origine de 555XXXX, son numéro de téléphone. Oui, il a son numéro de téléphone. C'est comme la reproduction d'une carte d'affaires ouais, d'un ouais, dude. C'est peut-être ça. Là. Ici, on a des petites marquises. C'est donc bien hot. Attendez. Hein. The Berserk, Breakout et Astéroïde. Je pense c'est... Mais tu sais, c'est quoi? Des autocollants? C'est non, des... c'est des marquises, des vraies petites marquises d'arcade. Magnifique. Ici, on a... Tu mets ça où, tu sais? Nulle part. Hein. On a... C'est comme des sous-verts, ça. Non, c'est des petites cartes. Ah, avec du alternate art en arrière. Ah, c'est dégrément, là. Check ça comment c'est beau. Ça, c'est Maze... Maze quelque Craze. Chose. C'est un jeu très drôle. Puis ça, ici, c'est du alternate art absolument fucking magnifique, là. C'est beau. Hein? C'est vraiment beau. Et on va faire Berserk maintenant. Ça, c'est le art du cover de Berserk classique. Et puis, ça, c'est son variant qu'ils ont utilisé dernièrement dans le remake de Berserk sur Atari 7800 qui est disponible en version physique sur le site d'Atari, je crois. Et puis, ça ici, ben, c'est Breakout. C'est-tu Breakout? Atari Video Cube, que dis-je, bien sûr. Parce qu'il y a eu deux jeux de cube Rubik. C'est des late release. Fait que, tu sais, j'ai jamais aimé ce cover-là, là. Mais là, regarde celui-là. Oh, wow! C'est donc bien beau, ça! Ça, c'est dans ses... avec les petites éclairs. Ouais, c'est très très ça, mais dire aussi, les éclairs, les lunettes, là. Très, wow! Très, très, très élise. Puis la cartouche de jeu ici. Alors, tout ça est vraiment très, très hot. Toute moi, beauté. J'avais la version, la première version. Je l'ai vendue pour avoir celle-là. Donc, très content d'avoir ça. Et puis, je ne répéterai jamais assez que cette chose est une très belle compilation. Là. C'est très bien fait. Ah, oh, c'est désirable, ça, là. C'est... Oui. Fait que, je vais tasser ça délicatement. Ça, ce papier-là vaut maintenant 5$. Ouais. On va le mettre à côté. On peut l'acheter. Voilà, on va lever le 55$ à l'écran, d'ailleurs. Ah oui, j'ai même pas dit. Hein. 55$ retail. Oui. On en a chez Retro MTL, mais pas la version Steelbook. Juste la version standard, ce qui vaudrait bien la peine aussi. Des Steelbook, on n'est plus capable d'en avoir pour l'instant. Alors, vous avez vu aussi chez Retro MTL, je pense que je l'avais mentionné, on rachète une énorme collection. Là, on a, on a publié plein de consoles de fous. Neo Geo, Vectrex, Atari Jaguar, Panasonic. Ouais, le Vectrex a failli se faire vendre en fin de semaine. Ouais, j'ai ben... eu beaucoup de pression de certaines directrices de Retro MTL d'acheter le Vectrex. J'étais comme... C'est vrai, hein? On peut en discuter, là, mais... On verra. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça s'il se fait pas vendre avant? Ouais, je mettrai pas 700$ sur un Vectrex, ça. pas de suite, là. Mais, fait que c'est ça, puis dans, on avait un pratiquement full set de NES, dont la moitié des jeux étaient en boîte. Wow. Et puis, j'ai fait plusieurs upgrades de boîte. Ça, j'en parle pas, là, dans, c'est trop d'ouvrages. Mais j'amène ça chez... Non, mais je les amène chez nous, je compare livret par livret. Puis, tu sais, mettons, mon Shatterhand, il était très mint. Ben là, j'en ai un fucking mint. Ouais, ouais. Alors, voilà, ça fait pas une grande différence. Attends, le Black Friday. Je pense pas que le Black Friday va descendre les prix avec Trex, malheureusement. Wow! Chief Langlois qui dit qu'il y a un gars sur Marketplace qui loue son Vectrex à 100$ par semaine. OK. Ah, c'est pas fou, ça. Oh, en même temps, tu risquais de louer ça à 100$, quelqu'un t'a le cochon, là. Ben, tu sais, il suffit que tu loues une couple de semaines, puis il est déjà payé. C'est pas fou. S'il s'en crisse, lui, qui veut faire de l'argent, c'est pas une mauvaise idée. Mais bref, je me suis gardé boîte et livret de Rocking Cats, mesdames et messieurs. Oh my God, le prix, excusez. Oui. Ben ça, c'est le prix évalué pour la boîte et le livret. Bon, là, il y a la sleeve. Puis ici, Chief Langlois, il dit que ça prend un dépôt de 300$ aussi pour louer. C'est 400$ pour un Vectrex. C'est pas super. Fait que voilà, ça c'est absolument magnifique. Et puis j'aime donc bien ça, acquérir des belles boîtes de bons jeux NES comme ça. C'est un très bon platformer, ça. J'en ai sûrement, je l'ai sûrement déjà couvert un moment donné, ouais. Rétro Nouveau. Ça me dit quelque chose. Et puis le livret. C'est un jeu published par Atlus. Hein? Rockin' ouais. Cat, c'est un cartoon, ça, qu'il y avait aux États-Unis, à ce que je comprends. Et puis qu'on n'avait pas ici, donc je sais pas de quoi il est question, mais ça a passé à la télévision. Ça look très Tom and Jerry, là. Exact. Puis là, c'est ça. C'est, je sais pas si c'est développé par Atlus, mais c'est certainement published par Atlus, les gros logos. C'est drôle parce qu'on est habitué à Atlus à des RPG et ouais, tout ouais. ça. Mais Atlus, ils ont fait bien des choses qui n'étaient pas RPG à l'époque. Donc, c'est très, très beau. Et voilà, ce kit complet-là vaut à peu près 400$, je dirais. Fait que ça va dans ma collection. Oups! Très précieusement. Il y a un Mighty Final Fight aussi. Oh, attends, il y a d'autres choses en bois. Qu'est-ce? Ah, c'est le foam. Oh. Je pensais qu'il y avait une red card ou quelque chose. Qui me tente, mais c'est genre 1000$, là. Puis, oh my God, mais il est beau, là, le Mighty Final Fight. Achetez-le pas, gang. Ça se pourrait que je me l'achète à moi-même. Et puis, on finit avec deux cassettes, mesdames et messieurs. Oh! Pas une, pas trois, mais deux. Ouais, le compte est bon. Parce que là, il me restait quatre jeux de Super NES à acquérir pour finir mon full set. Mm-hmm. Et là, j'en ai deux de plus. Parce que là, j'ai décidé de tricher. Je suis allé sur Lucky Games comme un voyou. Et puis, j'ai commandé... C'était-tu sur Lucky... Oui, oui, c'est vrai. C'est sur Lucky Games. Donc, j'ai commandé No Escape, qui est basé sur le film dont Ray Liotta, est la vedette. Alors, c'est un jeu qui vaut 30$, que j'ai payé un peu plus cher. Là. Je dois l'avoir payé peut-être 45$, I guess, là, avec le taux de change. Et puis, c'est un peu plus cher que si je l'avais trouvé dans le bois. Là. Dans le bois. Mais un de plus. Alors, je suis bien content pour ça. Donc, j'ai triché. Mais là, rendu, c'est pas publié triché, par Sony, en plus. Oui, publié par Sony. Sony qui ont des jeux... Intéressant. La petite plume de Sony. Ouais, ils ont les Star Wars. Moi, j'aime beaucoup de Sky Blazer, entre autres, et Hook aussi au Super NES, qui est très, très underrated comme jeu. Fait que le Griforce s'en vient. T'as le beau jeu, il dit, c'est l'heure d'aller coucher les kids. Ah bon, ouais, il s'en va quand le meilleur arrive. Il va nous finir demain sur YouTube, comme vous devriez tous faire d'ailleurs, si vous devez quitter. Ah. Puis, il y avait une question concernant un jeu que j'ai vu en vente contrat en boîte sealed. Son prix est un peu bas. Est-ce qu'il est beau ou bien il est endommagé? Je vais répondre à ça immédiatement, très rapidement. Les jeux en boîte présentement qu'on met, qu'on vend chez Retro MTL, les jeux en boîte, c'est dur à vendre. Ouais, ça ouais. coûte cher, ça vaut cher, puis le monde ne veut pas les acheter pour ces raisons-là. À part les collectionneurs qui cherchent ça pour finir leur collection, mettons. Oui, puis même à ça. T'sais, moi, je suis un collectionneur qui cherche ça, puis je pull pas le trigger. Ouais, là. Ouais. Fait que les jeux qu'on a présentement en boîte, là, guys, si vous comparez, mettons, à Price Charting ou le marché, là, ils sont quand même pas pire en dessous du marché. Nous, les jeux en boîte, on les achète bas. Donc, puis l'acheteur avec qui on les a achetés, il était d'accord. Fait qu'on achète un pourcentage plus bas, les jeux en boîte. Okay. Ce qui nous permet de les vendre en dessous du prix du marché, guillemets, dicté par Price Charting, qui est au final le prix que les collectionneurs de jeux regardent. Notre but, c'est qu'on soit moins cher avec les taxes que Price Charting, au final, pour les jeux en boîte. Ce qui est un très bon deal, je trouve, pour les collectionneurs de jeux. Fait que c'est ça qu'on essaye de faire pour réussir à passer des jeux en boîte, parce que là, on vient d'en acquérir un esti de chier. Ouais. Puis on en a qui dorment depuis longtemps. Fait que les jeux en boîte, man, il y a de quoi qui se passe avec ça. Il se passe qu'ils sont trop chers, puis faut que le marché baisse. Puis nous autres, ben, crime, quand les vendeurs sont d'accord à ce qu'on les achète au prix qu'on leur offre, ce qui a dit est quand même bas, ben, on est prêts, nous autres, à prendre le guess d'utiliser notre capital pour les vendre moins cher. Fait que c'est pas cher. Profitez-en. Ouais. Si vous comparez, ben, les prix sont dessus, vous allez voir. C'est un très bon deal. Excusez-moi, une notification qui a de l'air importante. Chief Langlois qui me dit qu'il est un fan fini de contrat. Reste à l'écoute pour ma critique tantôt. Tu vas être content. Ouais, absolument. Ouais, Chief Langlois, le monde sont cassés. En effet. Fait que voilà ce qu'on fait. Donc, profitez-en. Allez voir tous nos beaux jeux en boîte. Puis tu vois, vu qu'on a des prix un petit peu plus bas, ben là, on en vend pas pire. Là. Bon, fait que, ça bonne marche. Affaire. Deuxième jeu de Super Nintendo, Elite Soccer, à 35$. Et là, voyons, C'est mon garçon, ça. Et là, je dois remercier Jean-François Bibeau, encore une fois, qui j'ai fait une annonce publique pour dire aux gens « Hey, il manque genre juste ces jeux-là, tu sais. » Puis il m'a trouvé un site web qui est un de nos fournisseurs. C'est ce qui est très drôle. On a un fournisseur pour des jeux neufs, puis on pense jamais à regarder chez ce fournisseur-là qui a aussi du use. Okay. Puis dans, lui, il m'a envoyé un lien. Je suis comme « Hey, c'est un de nos fournisseurs, ça. » Puis dans le use, il y avait ce jeu-là. Fait que je poke le fournisseur. Je dis « Hey, l'avez-vous? » Tu sais, comme on, je le prendrai avec la prochaine commande. Là, j'en ai de besoin, tu sais. « Ben oui, certain, on va t'aider avec ton set. » Puis ils me l'ont même fait wholesale. Là, ah, t'sais. C'est cool, ça. Et comme un prix wholesale, là, comme tout le reste qu'on achète là-bas. Fait que j'étais bien content. Puis il est quand même pas pire propre. Ben oui. Fait que Elite Soccer est closé. Jeu que tu joueras jamais, probablement. Absolument. Ce qui nous met maintenant, Jeff, à 719 jeux sur 721. Alors, il me manque Syndicate à 200$. Ça fait un bout que j'ai mis ces prix-là. Ils ont peut-être, genre des mois, ils ont peut-être changé un peu depuis. Ouais. Et puis, Pack in Time. Puis là, je vais juste mentionner que j'ai des bons... Je suis bien aiguillé. Tu as des bons contacts pour ce pour pas mal finir ça au prochain épisode. Alors, soyez des nôtres. Soyez à l'écoute. Restez à l'écoute. Si vous voulez voir les deux derniers jeux de mon full set, ben, ça va se finir au prochain show. Après ça, on trouvera d'autres choses pour cette belle cam-là. Là, il va tout avoir des affaires de collection. Oh, c'est juste que j'aurais plus de... Puis toi aussi, des jeux, tous les jeux que tu achètes, mais on n'aura plus de... J'aurais plus de quête immense, là, tu sais. Mais je pourrais présenter des trucs, là, aussi, là, des choses que j'ai chez nous, là, dans ma collection personnelle. Ça peut être ça, là. Ben, on peut présenter des affaires aussi, en effectivement, effet, c'est de temps en temps, des systèmes de collection. Pas perdre ça, cette belle cam-là. Ouais, Genius qui dit « Fais un autre full set », c'est comme « Non, trois, ça fera ». C'est quand même beaucoup, là. C'est drôle parce que il y a quelqu'un sur la page Facebook du CCJVQ cette semaine qui a comme... commenter sur ma publication de quand je finissais mon full set NES. Okay. Fait que là, quand tu fais ça sur Facebook, ça remonte le post comme premier en haut de la journée. Ouais. Fait que là, il y a plein de monde qui ont vu ce post-là. Okay, okay. Puis là, le monde s'est mis à liker puis à commenter. Genre, gars, c'est vieux de 3 ans, ça, là. Là. Et plus. Puis là, j'étais allé relire ce que j'avais écrit. T'écris un petit texte. Ah, merci à tout le monde. Ouais. Puis là, j'avais écrit, ouf, un full set, c'est suffisant. Deux plus tard. La gemme. Claque tout mon cash là-dedans. Fait que qui sait. En tout cas. Fait que c'est ça. Ouais, full set Switch ou Switch 2. Je ferais pas de full set Switch. Là, ça, c'est absolument impossible. De toute façon, ça serait con. La finalité, le end goal de tout ça, c'est d'avoir le rideau de douche avec les cartouches de Game Boy dedans. Là. C'est ça qu'on veut. Exact, là. Exact. Des rideaux de Game Boy. Let's go. Là. Mais là, Jeff, toi aussi, t'as quelque chose. Ah oui? T'avais oublié ça? Ouais, j'ai oublié. Où tu me l'as présenté, en fait, là. Ouais, ouais. Hein? J'essaie de jouer à la comédie, là. J'ai genre... Hey, ça marche tellement bien que tu m'as eu. Hein? Tu sais quand je suis bon acteur. Ouais, j'ai reçu quelque chose, moi aussi. On va retourner dans le duplex collection, alors, pour bien le glisser doucement. Il ne s'agit pas d'un cierge en boîte. Un cierge de la Verlechère. Des églises de la Verlechère. Non, un cadeau de Simon Lahaye, qui m'envoie ce... Là, je le glisse doucement à l'écran. Très doucement. Ce bâton de golf miniature, en fait, pour mettre une manette de Quest 3 dedans. Pour jouer au mini-pot. Ah, c'est pour jouer au mini-pot? Ben oui, c'est un mini-bâton de golf. OK. Puis ça peut pas être pour des jeux de golf. Là. Ben, c'est pas extensible, ça. Ben, c'est parce que tu vas frapper dans le plancher. Ah, ben oui, t'as bien raison. Mais je sais pas si genre la manette tient dedans aussi bien que pour genre soigner un full swing de golf. Mais ça va me servir pour jouer à Walkabout mini-golf, assurément. Je suis certain que ça marche très bien, en fait. J'ai bien hâte d'essayer ça, là. Golf plus VR Meta. Peut-être. Mais ouais, oui, moi, c'est vraiment pour Walkabout Mini Golf, qui est un excellent jeu de mini-pot sur VR, là. Si moindrement vous aimez le golf, jouer à ce jeu-là, c'est vraiment excellent, là. Donc, il s'agit d'un produit de AMVR. AMVR. Ouais, je connais pas ça. Je sais pas s'il en vend chez Golf Town ou quelque chose. VR Golf Grip. Ben, c'est ça, c'est ce que c'est, man. C'est un bout de plastique, finalement. Ben oui, ben c'est ça, je vais l'appeler mon calque harmonie personnelle. Absolument. Donc voilà. Hey, merci beaucoup, Simon, très apprécié. Je vais essayer ça assurément. Là. Un jour, peut-être que je partirai la ligue de mini-pot Walkabout mini-golf, comme j'ai tout le temps voulu faire. Là. Qu'est-ce qu'il dit, pipi caca-poil? Pour qui? Pour qui? Pour moi. C'est à qui? T'as qui? T'as à moi? À qui sont les chiffres? Qui c'est que c'est, les Chiefs? Qui c'est que c'est? Ah, je suis fatigué, là. De la misère cette semaine. Veux-tu que je parte avec mon jeu, alors, au pire? Ou ma critique? Après ça, on ira au team, on va revenir sur mes jeux du WAG après. Ah, c'est vrai. Ben oui, on fait absolument ça. Vas-y. D'accord. Fait qu'on s'en va en critique de mon côté avec l'excellent jeu Iron Meat. Oh yeah. Développé et publié par RetroWare, disponible sur fucking tout. Mais vraiment, vraiment tout. Puis je veux rappeler encore aux gens que RetroWare était un portail web à la RZO qui contenait à l'époque toutes les web télé cool de genre Angry Video Game Nerd, de Pat Country, les Game Chasers et puis toutes ces affaires-là. Fait que ça existe plus. Ben, je pense ça existe plus sous cette forme-là, mais ils font de la location d'arcade et tout. Puis ils publient des jeux à cette heure. Puis j'avais parlé à Retro Nouveau de Prison City. Oui, c'est vrai. Que j'avais adoré. Fait qu'ils font des jeux. Puis ils en font un Castlevania-like là, qui s'appelle The Quest of Simon, machin. Fait qu'ils font des jeux qui ressemblent à d'autres jeux, genre des hommages, un peu, ou des trucs dans le style de. Dans le genre de. Toi, c'est dans le genre de Contra. Ouais, exactement. Prison City, c'était dans le genre de Power Blade. Puis l'autre, c'est dans le genre de Castlevania. Ben, puis ils ont aussi la licence de Toxic de Crusader. Fait qu'ils font dans le genre de, mais. Ça a sauce puis pété. Ah ouais, ça, mais, c'est ça a sauce en tabarnak, mon mais gars. Mais efficace, tu sais. Fait que, dans le fond, j'ai joué à ça au WEG, évidemment, vous en doutez bien. À chaque fois que je commence le WEG, j'ai eu le temps un projet avec Matt Bonin, on a eu le temps très tight quand on commence. On arrive, on set up, puis on start de quoi tout de suite pour casser tout de suite, là. On est comme. Oui. On part de quoi. Oui. Puis le Matt, il dit j'ai pogné Iron Meat, on joue ça à ça. Je regarde ça, je suis comme, Chris, on joue tellement à ça, mon gars. On se pogne une bière, on s'assoit, puis on pogne nos manettes. Ah, oh, quel bon feeling d'arriver jeudi, s'asseoir avec ta première bière, puis partir un bon jeu. Ouais, surtout qu'une fois que tu genre la planche est installée, mais mon stuff est fait, tout est prêt. Comme... T'as pris ta chambre, t'as mis ton pyjama dans ton coin, tu sais, tout est prêt. Tout est prêt, tu peux commencer. Donc, on s'est installé là-dessus. Donc, c'est un Contra-like, en fait. C'est Contra, ça a sauce. Là. Donc là-dedans, on va jouer dans une genre de dystopie où est-ce qu'on se fait attaquer de tout bord de côté par des genres de machines biomécaniques où est-ce que le sang pleut de partout. Puis je dis le sang pleut. En fait, il pleut, puis c'est du sang qui coule, genre, d'en haut. Là. C'est la pluie et c'est du sang qui coule. Genre. Fait que ça jute, mon gars, là, tu sais. Puis le... ce jeu-là, en fait, là, c'est... Ceux qui l'ont fait, c'est vraiment comme yeah, du sang! Genre, c'est ça tout le long. C'est, genre, c'est agressif à côté, mais assumé aussi. Ouais. Et ça rend l'expérience super agréable. Donc, ça se joue à un, ça se joue à deux aussi. Comme je disais, c'est un side-scroller à la Contra dans lequel on va, même chose, ramasser des power-ups de, comme à la Contra qui flottent dans les airs, là, des S. Puis ça va pouvoir te permettre de changer de gun. On a deux slots de gun qu'on peut swapper avec un bouton seulement. Donc, on a deux fusils. OK. Quand tu meurs, tu perds le fusil que tu avais équipé en comme premier. Contre, ouais. Et si tu pognes une deuxième fois le même fusil, tu as un genre de deuxième version de ton fusil un peu plus fort. Comme le dernier Contra. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de comme Contra là-dedans. Et c'est pas une mauvaise chose. Ça va très bien. Là, il y a bien des hommages aussi à Contra. Là. Des tanks qui saignent. Oui, c'est abusé en esti. Tu as des tourettes qui saignent. Genre. N'importe quoi de métal que tu pètes, genre il y a du sang qui coule. Les personnages sont-ils exactement les mêmes, mais juste de couleurs différentes? Non, moi j'avais un gars genre en camisole avec genre les bras à l'air, puis let's go, là. Fait que t'as une couple de personnages différents. Ils vivent pareil, là. T'as pas de différence, c'est juste. C'est le même gameplay, c'est le même gameplay, c'est juste le style du personnage qui va changer, là. Ok, ok. Fait qu'il y en a 5-6, quoi, des skins. Ouais, quelque chose du genre, là, 5-6, là. Fait que des power-ups, soit de vie de ton. Il y a de l'air efficace en esti, ce gun-là. Ouais, un spread gun qui va pas jusqu'au bout de l'écran, mais qui se split en 3, mais va très bien quand même, là. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très difficile aussi. Ça lâche pas. Okay. Dans le chat, on dit que c'est pas très, très facile. Mais en fait, j'ai pas trouvé ça très facile. J'ai pas trouvé ça non plus très difficile, je te dirais. Ça joue bien. Ce qui est la grosse force de ce jeu-là pour la difficulté, c'est qu'il te donne 16 vies. Puis qu'à chaque fois, que ton niveau finit, tu se reset à 16 vies. Fait. Ok. Je suis mort genre deux fois dans tout le jeu jusqu'à la fin, comme dans un boss, mettons, que Matt a fini. Mais on a passé là-dedans là, comme dans du bar. Il y a une couple de places qu'on a eu de la misère parce que c'était quand même très difficile. Là, puis c'est, faut pas que tes réflexes de Contra, tu n'as pas tout le temps à portée de main ces réflexes-là. Là, fait non, mais ça revient vite. Là. Mais ça revient vite, puis c'est bien agréable. T'as des tableaux qui vont être à la verticale, fait qu'il faut que tu montes des plateformes, puis tu grimpes. Ouais, il y a vertical aussi, comme dans Contra. Y a-tu top-down comme dans Contra? Y a pas de top-down. Yes! Il semble qu'il y a pas de top-down. Top-down dans Contra. Bon, puis la musique est-tu bonne? La musique est excellente. Ça fit vraiment avec le style. Bon, t'as des boss de fin de niveau aussi qui sont pas très compliqués, mais qui sont pas très faciles non plus. Souvent, c'est que t'as des spots bien précis à tirer sur le boss. Il faut que t'évites ses attaques, évidemment. Là. C'est très, très beau. Bon, il y a des affaires comme on voit en ce moment, là, des pièges comme le feu qui se déplace. Des fois, il y a des chainsaws dans le plafond. Faut que tu te penches au bon moment. T'sais, c'est bien du ouais. réflexe, là, ça. Là. Mais c'est super bien exécuté. Pour vrai, là, je veux dire, je sais dans Z+, mais j'ai rien de plus à dire que c'est un contrôle-like qui est excellent. Vraiment, là, jouez à ça si vous avez jamais, vous êtes dans le style de contrôle, vous aimez ça. Là, c'est vraiment un excellent jeu. Fun fact, c'est publié par Strictly Limited, okay. qui d'ailleurs, ces tabarnak-là, ils me doivent des jeux depuis 2 ans, là, qui, ça finit plus leur production. Ouais, ouais. Je suis vraiment insatisfait de ça. Mais c'est eux qui ont pogné la gig de faire le jeu physique de ça. Ici, chez Retro MTL, on a eu genre 3 copies. Mais ah, on savait pas si c'était, ça allait être si bon, puis on n'osait pas trop se mouiller. Puis quand ça s'est avéré que ce jeu-là allait être excellent, on a recommandé d'autres copies, mais on a juste pu en avoir genre 2. Fait que tout ça, c'est vendu à la vitesse de la lumière. Et sur Price Charting, tu sais, nous autres, on vend retail, là, ouais, ce jeu-là, ouais. à 45$, me semble, quelque chose de même. Mais il est déjà rendu 130$ là, sur Price Chart. Fait que là, je sais pas s'il y a une pénurie de jeux physiques Iron Meat, mais ça se pourrait bien que cette affaire-là prenne pas mal de valeur. Ouais, ouais. Et par ailleurs, aujourd'hui... Je pense que c'est aujourd'hui la dernière journée. Si vous possédez Iron Meat et que vous voulez un upgrade pour avoir le Steelbook Case, la version Steelbook, vous pouvez aller tout de suite sur le site de Strictly Limited et commander pour 9 tomates seulement okay. la version Upgrade Steelbook. Ah, wow, OK. Chose que j'ai faite. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée. Alors, désolé pour ceux qui nous écoutent en différé. Ouais, c'est ça. Mais les gens dans le chat, si vous avez ce jeu-là physique, allez sur... Ouvrez une autre fenêtre, restez avec nous, puis allez sur le site de Strictly Limited, là, faire un upgrade. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Ça, des fois, tu sais, on voit là, il y a des missiles qui tombent du ciel, il y a des genres de têtes de mort qui t'indiquent quoi est-ce que ça va tomber exactement. Là. C'est vraiment très bien, ça se contrôle run and gun là, aussi, là, pareil comme contrat. T'as un piton pour te locker si tu veux être dans une position puis tirer, évidemment, parce que sinon, ça serait pas jouable du tout. Là. Absolument, comme contrat. Exact, fait que c'est vraiment contrat refaite, là, mais à la... T'as-tu un roll, genre, en bas avec jump pour rouler? Non. Des double jump? T'as un double jump, me semble, mais t'as pas de roll. Ah, y a un double jump. Y a-tu un double jump? J'ai un blanc. Ah ben, je l'ai pas vu double jump. Peut-être que non, c'est dans un autre jeu. Peut-être que je l'ai mail, mais... Puis les boss, il y a des gros boss. C'est toujours des gros boss, là, immenses. Là. Bon, à la fin, tu te bats contre un gars qui s'appelle Markov. On a des beaux gags des Canadiens. Ah hey, oui, il doit être là. Tant qu'à ça, tant qu'à être là-dedans. Là. Mais vraiment, là, c'est un jeu, si vous êtes fan de Contra, à ne pas manquer, à ne pas passer à côté. Achetez-vous ça absolument. Si vous avez un chum pour jouer avec, c'est encore mieux parce que ça se fait quand même mieux à 2 qu'à 1, j'ai l'impression. Là. Ben oui. Mais ça doit bien se passer quand même à 1. Ça va prendre un peu de skills. Là. Ben souvent, contre ça joue mieux à 1. Parce qu'il y en a tout le temps un qui subit l'autre. Ouais, ou à ouais. peu près. Là. Mais là, vu que t'as tellement de vie, tu sais, c'est même si t'es moins bon que l'autre, ça paraît moins. Matt, t'es pas mal plus tête que moi sur le jeu, mais ça n'a pas tant paru en tant que tel, là, genre sur le gameplay. Là. Ouais. Donc voilà. Écoute, pour toutes ces raisons, Dom, je vais donner la note de 4 pommes et demi sur 5. Ça frôle la perfection. Oui. Hein. C'est excellent, excellent. I guess ça aurait été 5 pommes si ça avait été un peu... S'il y avait eu de l'innovation, l'innovation ça aurait probablement été un 5 pommes, effectivement. Là. Mais comme contre-like, c'est comme la contre-like, perfection. Comme contre-like, si vous avez un petit fixe à avoir de contrat, c'est un excellent dans le next-gen, dans le nouveau, là, c'est vraiment parfait. Là. Jouer à ça, c'est merveilleux. Yes. Ben, excellent. Là, j'ose même plus déballer ma copie. Hostie, j'ai peur qu'elle prenne la valeur. Mais en tout cas, ça fait bien hâte de jouer à ça. Je suis pas allé au West, j'ai pas pu jouer à rien. Mais Le pire, c'est que j'ai pas tant joué à mille affaires parce que j'étais tellement dans la bouffe puis dans le poker puis dans le blabla d'autres mondes que des fois j'allais jouer là, mais. Ah ben ça sert à ça aussi. C'est mon activité sociale du 6 mois. Après je retourne vivre en ermite. 007 GF dans le chat qui demande si on va avoir d'autres copies chez Retro MTL. On va en commander si c'est disponible chez nos fournisseurs, mais ce n'est plus le cas. Alors c'est sûr, si on pouvait en avoir 20, j'en commanderais 20 de là, mais voilà. Pipi Capoil 69 qui dit très facile, mais ça se joue comme un pet sauce sur la colonne. Je comprends pas, un pet sauce sur la colonne. Il est sa brosse, il l'a dit tantôt, fait qu'il y a des commentaires weird. Là. Ah, ok. Ah ouais, il est sa brosse, lui-là. C'est écrit en haut, gars. Ah ouais, il est sa brosse. Colin, des belles brosses du mercredi, toi, chose. Knock son bain. Ouais. Nogi. Boire de la bière un mercredi, faut-tu être dans le luxe? Eh, si, ouais. Ben, écoute, c'est à mon tour. Exa. Et puis, je vais parler de Legend of Zelda Echoes of Wisdom, messieurs, dames. Donc, le dernier Zelda qui est sorti, je vais vous en parler en retard parce que ça fallait que je le prenne le temps de le finir. Mais on s'en fout. Oui, on s'en colle. C'est ça. Ils veulent ton opinion. Non, mais ils veulent ton opinion à toi. Oui, là. Exact. Ben, tout le monde. On parle de jeu. Tout le monde a joué. De jeu. J'y ai joué, si j'en parle. Bon. C'est développé par Grezzo. On n'est pas à l'écran, mais on fait des signes racistes ici. Oui, des signes très racisés, nos signes. Fait que. Ah ouais, c'est en nomination pour les Game Awards. Ah ben là, Chris, j'espère qu'il gagnera pas. Parce que ça, je pense qu'il doit avoir bien mieux que ça. Ah ouais. Ben, je sais pas dans quelle catégorie. Mais donc, pour ceux qui se demandent, Grezzo, c'est eux autres qui avaient aussi fait Link's Awakening Remake. Ah oui, oui. Ben, en fait, ça look le même genre pareil, tilt shift, un peu le vidéo en diagonale, là, que t'as l'air de jouer avec des jouets, là. Oui, et puis... On dit beaucoup de lits dans le chat. Oui, je vais en revenir, je vais y venir. Et puis, Miitopia aussi sur Switch. Et puis, ils ont travaillé sur d'autres Zelda aussi, plus vieux. Donc, ils sont à coquiner avec Nintendo, là, quand même, ces gens-là. Donc, c'est le party de Zelda elle-même, cette fois-ci. Link, Zelda se fait prendre dans une affaire. Attends. C'est compliqué, tout ça. Au centre de la Terre, il y a Nihil. Puis, lui, c'est un esti. Et puis, il essaye d'absorber, comme tout, en faisant des fissures mauves partout sur la surface. Et puis, là, Zelda s'est fait pogner là-dedans. Puis là, Link va la secourir. Et ce faisant, ben là, c'est Link qui reste pogné là-dedans. Puis Zelda, elle sort. Et puis là, ben Zelda, faut qu'elle l'aide. Et puis là, tu vois, il y a un petit bonhomme jaune, une petite boule qui flotte à côté de toi. Ouais. Ça, c'est des créatures qui sont engagées par les DS pour combattre Nihil, pour essayer de fermer les fissures qu'il fait partout. Okay. Fait que cette bébite-là, elle t'aide. Premièrement, en te donnant un bâton, qui est un staff, donc, qui te permet de copier des choses et de les dupliquer. Okay. Et puis, ce petit bonhomme-là aussi te permet de soulever des affaires. Comment dire? Il fait que les choses n'ont pas de force. Mettons, tu as une très grosse roche devant toi, elle peut pas lever cette roche-là. Mais lui, il va y aller, la soulever, puis tu le contrôles avec ton staff. Fait que, tu sais, tu bouges des leviers, puis tu fais des affaires avec lui, donc lui, il t'aide avec ça. Et puis... Tu te dis, oh, on peut-tu caster des affaires à l'infini, tu sais, je peux-tu empiler 20 000 roches, tu sais? Non, parce que c'est le petit bonhomme qui te permet de. Qui te donne la quantité. Okay. Puis lui, il monte de niveau. Tu vois, il y a un petit triangle qui flotte en arrière. Ah ben là, il n'y en a pas présentement. Mais il y a des petits triangles qui flottent en arrière de lui. Puis ça, c'est comme des charges, tu sais. Okay. Fait que, mettons, de faire un lit, ça te coûte un triangle. Ben, puis lui, il est juste à trois triangles. Ben, tu peux en empiler trois, puis c'est tout. Fait que plus le jeu avance, plus que tu peux fabriquer du stock. Et puis, il y a du stock qui coûte plus cher que d'autres aussi. Tu comprendras qu'une roche, ça coûte un. Mais tu dupliques des ennemis aussi. Donc, un très gros ennemi violent, très utile, ben il va te coûter 5. Fait que faut que tu gères ces affaires-là. Tu dupliques des ennemis? Oui, tu dupliques pas juste des items, tu dupliques des ennemis et puis... Ça donne quoi, dupliquer un ennemi? Ça fait pas plus d'ennemis à battre? Ou c'est... Non, parce qu'ils sont de ton bord, fait qu'ils vont attaquer les autres. Okay. Parce que le monde était... Ah, c'est cool ça, par ben, le monde allait être bien déçu de cette Zelda-là, que Zelda, bon, esti, elle donne pas de coup d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Ben là, elle fait juste empiler des lits et des roches pour faire son chemin, oui. Mais quand tu veux attaquer, ben, faut que tu mettes des ennemis ou que, genre, au début... Tu fabriques des roches, tu les lances dessus. Ou tu les mets en feu, alors en pitchant, genre un petit bonhomme de feu. Tu as plusieurs façons de tuer, là. C'est quand même intéressant. Mais c'est pas genre, j'y rentre dedans, je le tue. Il faut que tu fasses une action. Ça peut être un peu tannant, ça, je dirais. Là. Et puis, tu vois, là, mettons, dans le gameplay, on voit pas une araignée. Ben, l'araignée, quand t'en fais une, ben, elle fait une corde. Fait que là, grâce à la corde de l'araignée, tu peux grimper à des places. C'est tout ça, l'ingéniosité de ce jeu-là. C'est que tout ce qu'ils te font dupliquer, comment est-ce que tu l'utilises pour faire ce que tu as à faire. Ouais. Mais oui, tu vas empiler énormément de lits du début jusqu'à la fin. Parce que c'est genre le premier item que tu dupliques. Puis là, tu te mets à empiler des lits. Ça sert de plateforme, tu sais. Fait que tu peux aller à des places grâce à ça. Donc, c'est empilage de lits. Empilage de lits, le jeu. C'est beaucoup ça. Best Action Adventure Game qu'on dit dans le chat qui est en nomination au Game Awards. Eh bien. Et puis, T'as pas l'air d'accord. Comment? T'as pas l'air d'accord avec cette nomination-là. Ben, tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu du plaisir, là, mais j'avais pas hâte d'y retourner follement. Tu sais, je suis comme, bon, ben, je vais continuer ma game. L'autre, l'avais-tu fait, Link's Awakening? Oui, puis j'avais préféré. OK. Mais, Mais c'est sûr que ça, c'est pas mal plus innovant. Là, ouais, ben là, c'était genre le jeu du Game Boy qu'il avait fait, là, le fond. Exact. C'était juste ça. Ah, puis il y a aussi une autre affaire qu'on peut faire aussi. Par contre, t'as une jauge de, je vais dire, de la magie, là, que tu peux utiliser pour devenir un genre de ghost de Link. OK. Puis quand tu es en Link, là, tu peux donner des coups d'épée ou tirer des flèches. Parce que t'es un gars. Et sauter plus haut. Parce que t'es un mâle alpha. Wow. Exactement. T'as bien raison. Mais c'est Zelda qui est soumise au final. Non, c'est une joke. Des jokes de mâle alpha. Mais c'est ça. Elle devrait être dans la cuisine. Non, au lieu d'être dans la cuisine. On peut juste se caler. Elle empile des lits. Ça fait du sens. Faut qu'elle fasse le lit qu'elle empile. Mais c'est ça. Donc, tu peux être Link par moment, tu sais, bien sûr, pour frapper les boss. Tuer les monstres, moi, je l'utilisais pas parce que c'est quand même... T'en as pas tout le temps, là. Puis t'en as besoin. Tu te bats contre Evil Link? Ouais, parce que... Il est possédé. Il est possédé par Nihil et puis des bébites. Tout le monde devient possédé là-dedans, en fait. Fait que faut beaucoup que tu gosses avec ça. Et le possédage des gens. Faut que tu dépossèdes les gens. Puis, ben c'est ça, man. Alors, tu explores les mondes. Donc, tu commences dans le désert. Puis après ça, tu vas voir le peuple de l'eau. Puis après ça, tu vas voir le peuple des montagnes. Puis, c'est Zelda. Ouais. C'est Zelda. Ça reste pareil. Tu lances des pots, tu ramasses des cœurs. Tout ça reste la même affaire. Donc, c'est vraiment la même chose, sauf que avec les mécaniques que je viens d'expliquer. J'ai pas trouvé les... Il y a des boss qui étaient cool, il y a des boss qui étaient comme désagréablement rushants, ou c'est peut-être moi qui prenais pas les bons items, là, tu sais. Mais une affaire qui m'a turné off beaucoup de jeux, là, c'est que tout est dans ton inventaire, tu sais. T'en copies du stock en maudit. Ah, tout reste, là? Tout reste, tu sais. Puis là, t'as des paliers de sélection, tu sais, mettons, toutes les monstres. Toutes les formes. OK, les derniers que tu as utilisés. OK, fait que ton inventaire, c'est comme genre tout ce que tu as trouvé reste là à tout jamais dans exact. Le jeu. Exact. Okay. Fait que tu vas tout le temps dans ton inventaire. T'sais. Ah ouais. Mais ils te font pas chier à genre parcourir tous les bouts de ton inventaire continuellement parce qu'on n'aurait pas voulu jouer à ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, mettons, tu es dans le désert, on s'entend que. Ou tu es dans la glace. Ben, OK, là, tes systèmes de feu, tes gardes proches parce qu'il va y avoir de la neige à faire fondre, des affaires dans même. Fait que, tu sais, au moins ça reste. Puis moi, j'avais dupliqué un petit gros boss, là. Ben, pas un boss, mais un gros bonhomme avec une grosse épée puis un bouclier dans la forêt. Et puis même, je l'ai copié trop tôt parce que je pouvais même pas le caster. J'avais même pas assez de petits triangles pour le caster. Mais quand j'ai pu le faire... Je l'ai utilisé jusqu'à la fin. J'imagine. Il m'aidait à battre les boss et à frapper quand j'avais plus de Link et puis tout ça. Puis je le castais tout le temps, tuais tout le monde. Fait que très utile. Si vous ne l'avez pas fait aussi, à un moment donné, on se réveille dans la chambre de Zelda, dans l'histoire, puis bon, on continue notre chemin. Mais tu peux copier le lit de Zelda et puis tu peux te coucher dedans. Puis ça te redonne full life. Fait que t'es pas d'un coup. Tu peux toujours te recoucher pour reprendre exact. Ta vie. Ah, ouais. Fait que t'as un coin tranquille, là, t'es dans whatever, là, comme là, elle pourrait se crisser un lit direct là, puis se coucher dedans, puis refaire sa life. Fait qu'au lieu que ça monte à un demi-cœur aux 3 secondes, ça monte à 3 cœurs aux 3 secondes. Okay, okay. Fait que ça va plus vite et ça tape moins ses nerfs. Puis même dans les boss, je réussis à me mettre un lit de temps en temps, rien que pour avoir une petite dose de cœur, wow, tu sais, pour me refaire. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est ingénieux là quand même. Ouais. Là, il y a des c'est très intéressant les puzzles là-dedans, c'est bien fait. Là, tu vois là ça là, ouais. Cette ligne de stock là, ben c'est ça. Moi les trampolines, je les ai jamais utilisées, j'empilais des blocs. Il y a plein d'affaires que tu utiliseras jamais, tu sais. Puis il y a des affaires que tu vas tout le temps utiliser. Il y a des affaires peut-être que tu vas rater et qui auraient pu te sauver un temps énorme. Tu peux-tu mettre genre une petite étoile sur tes items pour les avoir dans tes favoris, genre, mettons? Ou t'as pas ça? J'ai genre? Pas vu qu'on pouvait mettre des favorites sur des boutons ou quelque chose. Là. Dans le chat, on dit que l'inventaire, c'est un cauchemar. Ouais, c'est ça. Il aurait pu faire une grille à la place d'une ligne que toi, ouais, effectivement. Là. En effet. Et puis, une roue, tu sais, comme. Oui, une ring de favorites, Là, que. T'as tout le temps ta grosse bobite, t'as un feu, ton une top glace. 8, tu pourrais mettre là, genre, exact. Un accélérateur. Ah, j'avoue. Ouais. Ton litre de Zelda. Tes litres, mais tes litres toi aussi. Exact. Fait que ça, c'est ce qui m'a turné down. Mais sinon, pour le reste, c'est du Zelda. Puis, en plus, t'es Zelda. T'es Zelda, alors pas de niaisage. Puis bon, ils ont ramené plusieurs personnages aussi, comme là, les tuiles qui lèvent du plancher. Il y avait ça dans... Je me rappelle plus s'il y avait ça au Game Boy, mais tu sais, il y avait ça dans Link, quoi, à Link to the Past. Les bonhommes dans l'eau aussi à Link to the Past. Là, c'est les Gorons sont là, tout ça. Fait que c'est bien sweet. Fait que j'imagine que tout le monde a déjà joué à ça anyway, maintenant. Fait que... moi, je suis prêt à donner une note, Jean-François. Je suis prêt à ce que tu donnes une note. Je donnerais un 3,5 pommes à cela. 3 pommes et demie, comme on dit dans le jargon. C'est très bon, là. Il y en a qui ont capoté là, là-dessus. Puis moi, j'avais hâte que ça finisse. Pour okay. J'avais un petit peu hâte que ça finisse à la fin. Je suis comme, OK, il me reste rien qu'un... Puis il me reste plein d'affaires à faire. Plein. Mais je me dis, hey, je vais y retourner. J'ai fini le jeu, mais tu sais, je voulais finir le jeu pour le critiquer, mais je vais pas faire 100%, mais mettons j'étais à 75, je vais me rendre à 85. Puis finalement, je pense pas que je vais le faire. Parce que je veux jouer à Run Meet, je veux jouer au jeu d'Halloween de tantôt, je veux jouer à plein d'affaires. Fait que c'est ça. Mais il y a du stock pour continuer, puis il y a plein de petits mystères. Il y a une place que j'ai jamais compris. J'ai pas réussi à élucider le mystère de comment, qu'est-ce qu'il fallait que j'utilise pour aller le chercher. Fallait se battre contre les éléments. Fait que pas réussi. Fait que bref, très bon jeu, bien sûr. C'est Nintendo, c'est de la qualité. Mais la gestion d'inventaire, puis tout, ça devrait être peaufiné, puis affûté. Il y en a trop. Good! Voilà. À toi, Jean-François, avec tes jeux. Je vais finir mes. J'allais me chercher un autre bière, t'en veux-tu? Je bois tranquille. J'ai bu toute la fin de semaine. C'est vrai, t'as bu toute la fin de semaine. Pas moi, justement. Vas-y, garde-toi. Fait que dans le fond, je vais essayer d'aller dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait. Fait que après avoir joué à Iron Meat jeudi soir avec Matt, en fait, jeudi fin d'après-midi, là, bon, tu sais, mange, bois de la bière, puis genre, blablabla. Puis là, on était dans une phase de comme. Tu sais, on jase d'affaires weird de gaming, pis il me dit « Hey, t'as-tu déjà joué à ça, toi? Frog Fractions. » Là, je suis comme « De quoi tu parles, Frog Fractions? » Il dit « Dude, OK, on fait ça. » Fait que Frog Fractions, OK, pour ceux qui savent Frog pas... Frog Fraction. C'est un jeu qui date de 2012, en fait, qui était un site web qui se vendait comme un site pour expliquer aux enfants comment faire des fractions. Avec une grenouille qui est dans le bas de l'écran et qui doit ramasser des petites bébites dans les airs comme ça. Donc, tu vois, quand tu ramasses une bébite, il y a des fractions qui apparaissent. Mais si tu prends 2 secondes, OK, pour regarder ce que tu vois en ce moment, là, trouves-tu que c'est louche, ce que tu vois là? Là, t'es rendu avec des fractions avec des hexadécimales, puis là, t'as comme en haut des points de Zork Mids, puis des points d'indignité. Je comprends absolument rien. Je peux pas trop en dire de ce qui se passe dans ce jeu-là, parce que c'est une aventure d'une heure, OK, mais il y a genre 31 levels de deep de méta là-dedans, là. Mais c'est quoi que tu fais? Tu fais juste. C'est un jeu clavier-souris que tu cliques, tu ramasses des bébites au début. Puis là, t'as une tortue, puis là, tu ramasses un dragon. Puis là, t'es là, puis. Je veux pas trop en dire parce que ça, c'est le fun, en fait. Tu sais, là, c'est genre l'édition Game of the Decade, là, que ça s'appelle sur Steam. Là. Allez jouer, c'est gratuit. Je vous dirai rien, mais je vais juste vous dire qu'à un moment donné, le jeu vire en text-based. À un moment donné, t'es peut-être dans un procès. T'es peut-être sur Mars à un moment donné avec de la porn d'animaux. Ça va très, très, très loin. Très loin. Puis je peux pas en dire plus que ce que vous voyez là en ce moment. Je veux juste. Allez essayer. Vous êtes le genre de gens qui aimaient les jeux fucking weird avec des. Genre plein de niveaux, là. Ça, c'est quelque chose de spectaculaire. Fait qu'il y avait moi avec la souris sur le divan, Matt avec le clavier, parce qu'en est, c'est comme text-based, là. Puis c'est genre tape-touche un peu, il faut t'apprendre des mots. Ok, ok. Puis t'avais André, de Geek Collectif. Ouais. Qui était complètement perdu et investi en même temps dans notre aventure d'une heure là-dessus. Puis Eric Hébert qui me regardait, il était comme, il se passe de quoi ici, le GF, il est ben trop heureux, qu'est-ce qui arrive là, fait que c'est complètement n'importe quoi et tellement glorieux ce qu'il y en arrête de ça là, je veux pas rien dire de ça, plus que ça. C'est fucké, man. C'est fucked up. C'est l'affaire la plus fucké. Parce que ce que tu vois là, on a vu Baby Boomer 2 pis tout ça, tu sais, c'était fucké, mais ça c'est abstrait, tu sais. C'est abstrait, fucked up, puis c'est parce qu'en est, tu te découvres de quoi, pis là, genre, c'est... Tu t'en vas ailleurs que ce que tu vois là, et là, ça se met à déraper complètement, pis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Dans quoi je suis. Puis j'imagine qu'à l'époque, si t'étais sur un site web, tu tombes là-dessus, puis tu tombes dans le prochain niveau de ce que c'est, tu vas faire comme, ben voyons, genre, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis tu creuses, puis t'es comme, voyons la narrative en arrière de ça, qu'est-ce qui se passe? Fait que je vous laisse là-dessus. Essayez ça, tout le monde, vous m'en redonnerez des nouvelles. Ça s'appelle Frog Fractions. Hey, t'as même un chapeau. Ouais, tu peux mettre un chapeau en plus. Parce que, en tout cas, t'as Game of the Dead. À chaque fois que tu finis un level, tu peux te mettre des add-ons. C'est comme, mets le auto-aim. Enlève le auto-aim. Mets le auto-aim. Enlève le auto-aim. Mets le auto-aim. T'es comme, voyons, tabarnak, hein. Toi, t'as des fruits en haut, comme 4 fruits. Ouais, ouais. La prochaine upgrade est comme 20 000 fruits. T'es comme, mais voyons là. Fait que c'est pour ça que tu comprends qu'il y a quelque chose de plus que ce que tu vois, genre, pis faut que tu creuses un peu dans ce qui est affiché là, mais il y a plus que ce que tu vois là. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ce que tu vois là. Et j'en parlerai pas. Et ils ont fait un deuxième aussi qui a l'air d'être très bon aussi. Fait que, genre, d'expérience un peu weird fucky là. Très intéressant. Après ça, le lendemain matin, je me lève et je me mets à jouer à Ghostvania. Fait que, on a terminé Ghostvania, mesdames et messieurs, de notre excellent ami PA. Qui était ici au dernier show, en effet. Pour parler de ce nouveau jeu, Ghostvania. Donc, il disait qu'il payerait une bière à tout le monde, qu'il finirait. J'espère qu'il va nous payer une bière à moi, Matt et Sensato, parce qu'on s'est tapé ça. En fait, j'étais en bas avec mon café tout seul, je jouais à ça. Je me rends au Devil 2. Je fais, ah, ok, j'arrête un peu. Je monte au deuxième. T'as Matt puis Sensato en train de jouer à ça aussi en même temps. Je suis comme, hey, ben, merci avec vous autres. On va le finir. Et on l'a fini. Props à Matt qui a fini le jeu, là. En fait, c'est plus que moi. J'ai contribué. Ça vient très difficile. Donné, ah ouais, pour vrai, ça vient. T'es dur. Dans l'espace à un moment donné. C'est très bien intégré, là. C'est très cool, là. Parce que dans l'espace, c'est comme. T'as de la gravité comme plus lente. Mais tu passes dans des sections qui sont comme fermées. Puis là, ta gravité revient normale. C'est super bien codé. C'est super intéressant. C'est pas brisé. À la fin, on t'en crisse un peu. Mais c'est pas parce que c'était brisé. C'est parce que c'était très difficile. Puis on voulait le passer. Fait qu'on a passé à travers de ça. Combien de niveaux il y avait? 4. 4, okay. 4 beaux niveaux. On a pas du dard peut-être à passer. Là. Ah, moi, ça, je trouve ça de la fun. Mais peut-être t'aimerais ça. Là. Là, ça vient tough là, quand même en platforming. T'as des genres de switch de lumière qui ouvre, qui ferme, qui fait disparaître des blocs. Bien intéressant, très bien implémenté, très cool. Là. Donc, avec voilà. Avec les squelettes cowboy avec une cape. Toujours, toujours. Donc, voilà. Après ça, j'ai participé à Vampire Survivor Co-op. Oh my god. Avec Bruno, Nick et Olivier Clos. Je savais pas que ça se joue en co-op, ça. Et c'est un vrai bordel parce que. On a joué énormément chez Eric ici. Ah, ok, je savais pas que c'était co-op. Fait qu'on on a fait une game complète de 30 minutes pour se rendre puis se faire détruire par la mort à la fin en une seconde. Là. J'ai jamais réussi à la tuer, la mort, man. Moi non plus, jamais. Une fois, je l'ai gelée avec mon affaire. Je la gelais. Fait que j'ai réussi à tirer dessus. Puis j'ai pas pu la geler assez fréquemment, m'a tué. Mais c'était super plaisant. La seule affaire un peu négative de ce jeu-là en coop, c'est que ça, au début, t'arrêtes pas de popper des level up comme ça sans arrêt. Fait qu'il faut tout le temps que tu réagisses vite. Ouais. Bon, mais ça vient moins fréquent, c'est quand même bien. Puis à la fin, on avait Nick, il y avait un power-up qui c'était genre un trou noir, là. Ça prenait tout l'écran. Tout ce que tu voyais, c'est des chiffres genre de bébites qui se faisaient péter. Ah là. Ouais. Hein. Bon, on faisait juste comme ça arrêtait plus. C'était très, très satisfaisant, là. Ceux qui connaissent pas ce jeu-là, là, c'est fucking addictif. Ah, là. Vampire Survivor, c'est comme laid un peu, là, mais ça tire tout seul. Tu fais juste pogner des power-ups. C'est de la drogue. C'est de la drogue, ce jeu-là. C'est le même là. Concept que des slot machines. Genre, à chaque fois que t'as un power-up, t'as des diamants qui tombent de partout. Ah, les coffres, ça revole. Puis là, tu deviens puissant. Puis là, à un moment donné, t'es comme, oh shit, je suis pas si puissant que ça. Puis à la fin, tu fais juste plus rien. Puis tout se détruit autour de toi. Là, c'est débile. Tu fais les bons upgrades comme il faut. Là. Nick Lachapelle l'avait critiqué à Rétro Nouveau, d'ailleurs. Ouais. On avait Milter qui nous aidait aussi sur le side avec ses grandes compétences de Vampire Survivor. Donc, bien plaisant. Puis après ça, bon, Ellie est arrivé après ça le lendemain. Et comme je disais tantôt, il a amené deux affaires. Il y avait en fait un volant. On a joué à Wheel of Fortune avec un volant. Hey, c'est la meilleure façon d'utiliser un volant. Man, c'était fou. Mais on a aussi joué à une couple d'affaires d'arcade un peu louche qui jouait avec des light guns. Mais il y en a une affaire avant de tomber dans les light guns. T'as toujours entendu parler de la machine d'arcade The Act? Comment ça s'écrit? ACT, comme un acte. L'acte. Que je vais vous mettre ici du gameplay. C'est un jeu qui se joue normalement avec un dimmer, là, genre une roulette que tu peux aller gauche à droite. Puis en fait, le jeu là-dedans, c'est que c'est un genre de cartoon, c'est une affaire cinématique. Puis c'est que le but là-dedans, le gars, t'es un laveur de vitres. Puis là, il lave les vitres d'un hôpital, puis il voit une infirmière, puis il s'imagine dans sa tête que genre, oh, et donc, mais hot, je vais accrouser. Fait que tout le long, mettons que tu vas voir la fille, il faut t'accrouser. Fait que là, faut que tu dimmes si t'accroses plus ou si tu t'accroses moins, tu te retiens, tu avances plus. Fait que c'est vraiment niaiseux et très drôle. On a joué à ça pendant une heure puis on a eu bien du plaisir, moi puis Ellie, là. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est un arcade. Il y a un cabinet de ça. Il y a eu un cabinet de ça. C'est sorti en 2012, je pense, je me souviens bien. Mais ce que tu vois là, en fait, c'est pas des séquences d'animation, c'est le gameplay. C'est vraiment c'est ça. C'est un genre de Dragon's Lair, tu sais. Mais mieux fait et le fun aussi, là. Ouais. Bon, on a joué ça qu'un gun, par exemple, moi, puis Ellie, parce qu'il est évidemment pas la. Ok, il voulait juste jouer tout avec des. Mais là, on a vu la roulette, là, mais on avait un piton gauche, piton droit sur le gun. Fait que là, on était comme gauche et moins, puis droite, c'est plus. Fait qu'on va voir un peu quand l'histoire commence, là. J'ai mis un peu comment qu'est-ce que ça a de l'air. Fait que t'as une cinématique et tu vas arriver à une scène. Et là, la scène va dire, ok, on va faire l'acte maintenant, 3-2, comme ce qu'on voit là, play now. Fait que t'as trois chances de réussir, en fait, à passer au prochain niveau. C'est un jeu de cruise. Mais c'est un jeu de cruise. Mais non, mais à un moment donné, t'es comme. ton frère, il lave des vitres, puis il arrête pas de s'endormir. Il faut comme tu convaincre le boss qui travaille. Fait que là, faut que tu convaincre le boss. Tu tires un peu ton frère dans les airs. Fait que c'est. Là, tu vois, regarde, le gars, il avance un peu. Là. Il va accroser un peu plus. Des fois, si tu vas trop vite, t'es comme non, pas s'en va. T'sais. Fait que c'est très niaiseux, mais c'est très bien exécuté. C'est pas très long. Puis ça donne droit à des discussions incroyables de gameplay. De comme donne des bisous. Donne pas tant de bisous, JF. Moins de bisous. Genre, c'est ça. Wow. C'est un genre de Leisure Suit Larry moins colon aussi un peu, tu sais. Ouais, on disait en jeu, les gars, tu vois, là, il accroche un peu plus, mais il prend son temps. Fait que là, elle embarque, tu sais. Fait que c'est ça. C'est très, très louche, mais très drôle. J'avais jamais entendu parler de ça, puis il me montre ça. Je suis comme, hey, dude, on joue à ça, certain, là. Genre, on prend une bière, puis on joue à ça, let's go. Là, tu vois, il va avoir réussi l'acte 1. Oh my god, ouais. Là, ouais. Way to go. Puis c'est comme, ok, ben bravo, t'as réussi ta scène, on continue l'histoire. Mais là, il est dans sa tête, là, tu sais, il pense à ça. Ah, il pense à ça, God. Fait que voilà, ça s'appelle The Act. Donc, regardez ça, c'est très intéressant. On apprend des choses. Je pense qu'il l'a sur les iOS, ce jeu-là, en plus. Je pense qu'ils l'ont refait. Là. Moi non plus, je n'ai aucune idée de ça. Là. Après ça, on est tombé dans les Light Gun, moi et Lee. Donc, on a joué une couple de jeux de Light Gun. Fait qu'on a joué à un jeu. Bon, les Light Gun, c'est juste pour rappeler au monde, c'est quoi? C'est des fusils, là, comme quand tu vas jouer à l'arcade, là, genre. Genre un fusil dans les mains là, que tu vises de l'écran, là, un peu comme le, exact. Comme le zapper, mais qui marche avec les télévisions. Ben, tout fusil de jeu vidéo est un light gun, finalement. Ouais, effectivement. Si on compte pas le VR. Ben, Ellie, il y avait des light guns custom qui marchaient avec son PC, donc il avait accès à tous les jeux récents d'arcade, en fait, qu'on pouvait avoir. On pouvait jouer n'importe quoi qu'on voulait. Fait qu'on a joué à Loving Dead, 2 points, The House of the Dead X, donc EX. Fait que c'est une take funny sur The House of the Dead. Donc, c'est plein de mini-games, genre un peu funky, là, que t'as des guns. Là, on est en train de battre un boss. Il faut qu'on tire les dents du boss. Des fois, il y a un show de musique, c'est des zombies qui chantent. Faut que t'éclaires les zombies avec ton light gun. Enfin, comme ça, tu sais. OK. Fait que c'était très, très drôle, là, mais c'est le genre de jeu que tu vas scraper toutes tes 25 cents à l'arcade, que tu vas perdre ton cash vraiment rapidement. Là, mais j'avais jamais vu ça. C'est une drôle de take sur House of the Dead, là, pour vrai. Oh, t'as la musique, as-tu fini? Vous jouez à aucun jeu. Qui est... Ah ben non. Juste à des niaiseries, finalement. C'est des jeux de niaiseries, ça. Bon, c'est quand même un jeu qui existe pour de vrai, là, mais... il existe pour vrai? Oh, ouais, c'est sûr que ça existe pour vrai dans une arcade legit, ça, là. C'est laid, hein? Ouais, c'est très laid. C'est pas très, très beau, là. Non, c'est ça. Puis après ça, tant qu'à être dans les affaires weird et laid, pas très beau, on est tombé sur The Walking Dead Arcade. Donc, vraiment, les machines d'arcade de Walking Dead... Ah, ouais. En ce moment, qu'il y a dans les arcades plus récentes, qui se joue normalement avec un. C'est un crossbow, en fait, là. C'est une arbalète que genre, faut que tu cringues manuellement avec ton bras, là. Ah ouais. Ça doit être fatigant, genre, jouer avec ça à l'arcade. Ça va mieux avec le gun parce que t'as un piton pour recharger, fait que ça va très vite. Ouais. C'est beau, par exemple, tu sais, le jeu est quand même très bien fait. Ouais, absolument. C'est très répétitif, mais ça se joue très bien. Là. C'est vraiment une machine pour te gruger ton argent, ça, avec. On l'a fini, on s'est rendu à la fin, 4 niveaux. La fin est très décevante encore, là, mais... Ben, quand t'as tout le temps des 25 cents aussi, ça se fait bien. Hein? Non, ça se fait bien. On est mort plusieurs fois, mais on avait bien du plaisir à jouer à ça, là, tu sais, de rien gunner des zombies sans trop y penser, là. Donc, ça s'appelle The Walking Dead. J'ai mis Arcade en parenthèse juste pour que vous le sachiez, mais c'est ça. Et dernier jeu, en fait, qu'on a fait un... Avec Eric, il y a le temps un peu de gaming, de sport avec moi à chaque WEG. Là. Des fois, c'est du hockey, des fois, c'est du soccer, des fois, c'est d'autres choses. C'est une belle tradition. Ouais, cette année, ça a été moi et Ellie contre Olivier, il me semble, Claude et Eric Hébert au jeu NBA Street Home Court sur Xbox 360. 360? Ouais, c'est du 4 contre 4 dans genre des cours arrière, là, de basket extérieur, en fait. Ouais. Un peu over the top, là, que tu peux sauter très, très haut, là, faire des passes dans les airs, faire des hula hoop, là, puis let's go, puis... Mais ça se jouait très bien, c'est très facile. On voit qu'il expérimentait beaucoup avec la physique dans ce temps-là. Mais tu peux faire des petites moves, tu peux faire des passes comme on voit là. C'est très, très bien pour vrai. Ben, la série Street, c'est populaire là, quand même. Il y a NFL Street puis NBA Street aussi. Sur PS2, Xbox, 360. Exact, là. C'est des bons vendeurs. Donc, on a fait 3 parties, ça a fini 2, Eric, 1, moi et Eli. Donc, on a perdu en finale. Mais non, un jeu vraiment très le fun là, de basketball, très rapide, un peu arcade, là. Très facile d'approche aussi. Exact. C'est ça qui était le fun. Arcade, c'est ça. Sinon, c'est pas mal tout de mon bord. Le reste, c'est des affaires que j'ai déjà parlé. Mettons, comme j'ai dit tantôt, je joue à Batsugan. J'ai beaucoup regardé des jeux. Là. J'ai regardé Michael, Kevin puis Martin finir Young Indiana Jones on S. Ouais. En fait, j'ai regardé le début. Parce que je vais faire d'autres choses. Je fais de la bouffe. Fais d'autres projets. Je reviens. 5 heures plus tard, ils sont encore là-dessus, eux autres, à finir le jeu. J'étais comme, alright, j'ai vu la fin du jeu. Le début et la fin. Ah, ça a l'air un peu pénible, mais bien fait quand même. Là. C'est parce que ce que Michael s'amuse à faire, c'est de hack des jeux NES qui n'ont pas toujours de continu. Ouais. Il leur met toujours c'est des continus. C'est fou, continues. Ça. Même le core là, du jeu. Là. C'est ça. Ils ont joué aussi à un randomizer de Metroid avec Link to the Past. Genre les deux crossover, là. Ah, okay. T'as des power-ups de Metroid dans Link to the Past. Je sais pas comment mon Dieu. Michael m'expliquait ça dans le char, là, que genre, c'est un match parfait que dans la mémoire des jeux, genre, c'est comme t'as 64, je vais dire n'importe quoi, 64 bits, puis il y en a un qui en avait 32, l'autre 32, puis genre, ils s'imbriquent un dans l'autre directement, facilement. Je suis comme, sacrement, OK. Quel hasard dans la vie que ça fonctionne, une affaire de même, là. Mais ouais, c'est ça. Il y a bien des affaires louches, là. Ben du stock ouais. Weird. Des programmeurs. Il y a du monde qui intelligent qui vont à ce WEG, là. Ça jouait à Brotato, puis des affaires comme ça, là. Donc, un genre de jeu à la Vampire Survivor aussi. Il y a eu beaucoup de ça. Beaucoup de jeux de char là, avec le volant Ellie, évidemment. Là. Ouais. Ben des jeux qu'on a pris le volant qui ne servaient pas à ça. Là. Comme je dis, Wheel of Fortune. J'ai vu deux games de Wheel of Fortune, pas le même jeu. Moi et Ellie jouaient à ça, puis après ça, Bruno et d'autres mondes dans le salon qui jouaient à 4 à Wheel of Fortune. J'étais comme. Ouais. Quand on était allé chez Joe Gretis, on avait joué à celui au Super NES, en fait. Ah ouais, wow. Non, c'était-tu à ça? Ah non, on jouait à Family Feud. Qu'on essayait de trouver des affaires. Mais bref, ouais, des fois, le trip pogne d'essayer de jouer à ces espèces ben de ouais, jeux de... Hey, t'es là trois jours de temps, allez, tu comme, on a le temps, on joue à ça, on a le temps, let's go. Ça sert à ça, le WEG, essayer des affaires drôles. Là. Absolument. Sinon, j'ai platiné la plancha, puis la bouffe, là, évidemment. T'es impliqué dans tous les repas, fait que c'est ça. Ah, ça a pris beaucoup de montants, et c'est bien correct. Moi, je vis comme dans un microcosme autour de la plancha. J'ai plein de monde qui sort de me jaser, c'est très cool, ça. Ouais, tout le monde aime ça de chiller autour de la planche. Ben ouais, puis moi, je contrôle un peu ça. Fait que le monde vient, hey, GF, prenez une bière dehors, viens de fumer dehors. Ouais, c'est cool. Très, très nice. Absolument. Des petites bières le matin autour de la planche. Ah, j'ai magané de bonheur cette année, là. Ah ouais. C'est assez tôt, là. Avant le dîner. Ah ouais, on se start... secondes, on genre... dort de moins en moins, puis on se start de plus en plus tôt. Puis c'est... moi, je fais pas de somme, là. Puis j'essaie. Moi non plus. J'essaie. J'ai déjà essayé quelques fois, puis j'ai jamais réussi. Je suis trop excité. Ce samedi, mon frère m'écrit, j'écris à genre midi, gars, je dis, je suis ben trop scrap pour l'arquier. Genre, mm-hmm. Assis le bord du lac, sur le quai. Oh, voilà, c'était mon WEG. Good job. Merci pour tout ce partage. Dimanche, quand je suis revenu, je me suis couché sur le fauteuil à genre 6h15, puis je me suis réveillé à 8h, genre fuck, j'ai perdu ma soirée. Là. Ah ben moi, les lendemains de WEG, les retours de WEG aussi, je me couche genre à 8h30, 9h, là, je suis tellement épuisé. Je remonte la planche, je suis comme oh, tabarnak, je remonte mes affaires, je rassemble tout, je n'ai plus d'énergie. Là. Ah non, c'est ça. J'avais un upgrade cette année, j'ai pris congé lundi. C'était le meilleur move de ma vie. Ah, c'est une bonne idée ça. Parce qu'il y a tout le temps un petit débuzz, là, depress, là, qui va avec ça. Ah oui, on a demandé si on écoutait Tyson. En fait, ça m'a tué mon WEG le vendredi, ça, d'écouter Tyson. Ouais, là, tout le monde... J'étais fatigué, j'étais magané, j'étais déjà chaud un peu. Les combats étaient bons avant. Le combat de Tyson, c'était ridicule. Là, quand c'était ouais, visage. Moi, je voulais l'écouter, puis j'ai laissé faire. Il était rendu trop tard, puis on se levait tôt pour la game de hockey du lendemain. Puis là, je voulais le pas jeudi, être scrap. J'ai écouté le Canadien perdre, puis j'ai pas écouté le Canadien gagner après ça le samedi. Fait que c'est bizarre. Non, Tyson... Mais il y avait un upgrade aussi cette année. De l'Internet qui rentrait, là, ça avait aucun bon sens. Ah oui, on a upgrade l'Internet? On a juste plugué des routers et des repeaters genre, qui ont de l'allure, puis ça s'est mis à marcher en débile. Là. Okay. On avait de giganettes partout. Genre, tout le monde était en LAN, puis genre, on streamait, puis il n'y a pas de problème. J'ai écouté du hockey en streaming. Genre, Eli a joué un jeu d'Xbox, mais tu sais, Xbox Live, là, ouais. Comme en streaming, en remote, puis ça marchait super bien. Là. Hmm. Fait qu'on est rendu là. Ah ben OK, ça c'était un petit problème. Là. Ben oui. Ben on devrait leur dire, là. Nous autres, on loue ce chalet-là. On va vous on équiper, nous autres. Ben genre, faites-nous un rabais, on achète l'équipement, puis on le laisse là. C'est comme ça, à moins que ça soit une formalité de brancher tout ça. Je pense pas, on avait du fil partout, là, fait que c'était correct. Non, c'est ça, on devrait le... Prochain WEG au printemps, c'est ce que j'ai. On va régler ça. On va régler ça. Alors, question du public, on s'en va là. Avec Serge Saint-Hilaire, mesdames et messieurs, qui m'a écrit directement. Il était pressé. Oh! J'ai pas eu le temps de faire la publication qui demande des photos, qui demande des questions. Alors, il m'a écrit directement par Messenger, Papa Cassette. Bonjour Dominique, j'aurais aimé avoir ton avis concernant la grève de Poste Canada au prochain podcast. Je n'ai pas vu nulle part où tu demandais pour des questions, donc je me suis dit que ta page professionnelle pourrait être une option. Bon. Professionnel. À mon opinion, si tu veux en discuter, je crois que c'est dommage de demander plus d'argent de nos taxes et impôts pour leur salaire alors que tout ce qu'ils livrent ces temps-ci sont principalement de la pub. Bien honte de vous entendre là-dessus. Si vous le faites, merci. Donc, premièrement, je vais dire que c'est encore une fois, moi j'ai deux PME. Et puis, encore une fois, puis c'est les PME qui soutiennent le pays. Là. C'est des stats, ça. C'est, ouais. Ça existe. Et puis, c'est encore une fois, nous autres qui écopent de ça. Est-ce qu'on écope de tout? Ben, tout les PME le temps, et là. Les consommateurs, là. Ben, ouais, les, ben là, commande-toi des shit sur Amazon, tu vas les avoir. Ah, oh, j'ai déjà reçu mes affaires. J'ai un sapin de Noël qui m'attend devant ma porte, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Les PME font affaire avec Post Canada parce que c'est simple. C'est pas cher, ouais, mais ouais. Tu sais, comme mais c'est efficace. Alors, c'est pas assez simple. Et puis là, ben, c'est ça. Là, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, bon, tu sais, les grèves, hein, c'est tout le temps la même affaire. Ouais. Plus d'argent, moins travailler. C'est ça que les gens veulent. Et puis là, ils veulent des conditions très importantes de gens avoir des congés, le double du congé de congé maladie. Okay. Ils veulent aussi être capables de pouvoir partir en maladie indéterminée rapidement. Genre, au lieu que ça prenne un mois. Tomber en burn-out très vite. Ils veulent pouvoir être à l'aise de tomber en burn-out vite. Ah, ils font et juste puis... marcher dehors, après, dans ce génie. Non, mais pour vrai, en tout cas, tu sais, comme. Moi, c'est. Tu sais, moi, je trouve ça dur. C'est. Je suis tellement. Je suis un entrepreneur, c'est mes business, c'est moi, ça, c'est mes affaires, là, c'est mon argent, c'est ma vie, tu sais. Ouais, directement, ouais. Sur la table, drette là, et je subis tout ça, tu sais. Fait que toute la merde qu'il y a à subir de COVID, de whatever, de. Tu sais, ah, ouais, c'est clair. Moi, je reçois ça de plein fouet c'est tout sûr. Le temps. Fait que. Quand il y a des grèves puis des syndicats qui essayent de grinder, je peux pas vous dire que ça vient pas me chercher. T'sais, comme moi, je suis très anti-syndical. T'sais, comme je oui, la protéger ça les ça protéger les gens à l'époque industrielle que les Canadiens français se faisaient mettre la marde dans le charbon style la face dans le charbon puis travailler puis mourir c'est correct là tout ça va mais je trouve que ça a plus de raison d'être présentement et puis ça c'est juste de l'abus tu sais mais bon c'est pas parce que tout ce que tu vois, c'est l'abus qu'on voit. Parce que tout ce que je vois, c'est de l'abus, en effet. J'ai jamais été syndiqué de ma vie, sauf le syndicat qu'il fallait que je paye pour travailler quand je travaillais à l'usine en tant qu'étudiant dont je ne bénéficiais pas. Fallait que je paye pour pareil. Et puis, mais oui, je n'ai jamais été syndiqué, donc moi, je suis pas professeur, moi, je suis pas un col bleu, moi, je travaille pas pour la ville ou le gouvernement. Ouais, ouais. Je sais pas ce que c'est, tu sais. Ben, Chris, je sais ce que c'est, mais je c'est sais. Quoi ça, un syndicat? J'ai pas le feeling, j'ai jamais ressenti pas l'utilité de le bienfait de me dire, genre, mon syndicat me back, c'ti. Yes. Tout ce que je vois, c'est des gens qui revendiquent, tu sais. Puis des gens, là, les postes, là, la Poste Canada, qui sont en déficit depuis plusieurs années, en ce qu'on a appris, et puis qui se font manger à laine sur le dos de plus en plus par les autres compagnies de transport. Puis là, qu'est-ce qu'ils veulent? Plus d'argent, travailler, pouvoir être malade plus longtemps, puis partir en burn-out facilement. Tu sais, guys, c'est pas ça, là, tu sais, comme... Au privé, les affaires se passent. Faut que ça se passe, faut que ça soit rentable. Bah ouais. Si c'est pas rentable, là, c'est pas rentable. Puis non seulement ça, on exige des affaires. T'sais. C'est un non-sens, man. Ça me fait capoter. Puis moi, c'est ça. Je suis tellement dans en entrepreneuriat, puis dans le privé, puis en checkant ça. Je me fais crisser dehors. Dans mes jobs avant que je sois mon propre boss, tu sais, si je performe pas, tu sais. Ouais, puis c'est pas une pression, ça, en passant. C'est de te faire crisser dehors parce que t'es pas bon, ça fait juste te rendre service, mais sois meilleur, tu sais. Ouais. Parce que ça devrait être de même. Puis c'est pas genre, tu fais une gaffe, on te calisse dehors. Ben c'est non, pas même ça marche. Il y a de la logique où ça a de ça, là. Ben oui. Puis il y a du monde, ils sont les employeurs, c'est gras, pis ça ne donne rien, ça ne donne des miettes en bas de la table. Change d'employeur. Ben, change d'employeur. Là. Ça, c'est un très mauvais employeur. Parce que les bons employeurs, ils se rendent compte de leurs assets. Ils savent qui a une grande valeur dans l'entreprise, qui traîne la patte, puis tout ça. Pis quand ils sont syndiqués, tout ce monde-là sont égaux. Ouais. Ouais, le style pas bon, en burn-out tout le temps, mais qui est pas malade pour protège vrai. Protège le monde également. Là. Puis l'autre qui se donne vraiment sa job, qui a ça à cœur, tu sais. Puis il y a les syndicats qui sont là, vous allez faire de la pression, puis tout. Fait que, tu sais, Tandis qu'au privé, ben, Chris, si tu performes, ben, c'est peut-être toi qui vas l'avoir, l'augmentation avant les autres. Ou tu vas avoir plus de jobs parce que tu performes. C'est souvent ce qui arrive aussi. Ben là, toi, dans ton cas, c'est ce qui arrive. Ah ouais, ben ça a été toute ma carrière, ça. Là, mais c'est qu'il faut le reconnaître. Ouais, ouais, oui, parce que ça, c'est un autre problème. Parce que les gens, ils disent, ben là, je veux pas travailler trop. Parce que, anyway, l'autre, il travaille pas autant. Il travaille jamais autant que moi. Puis on est payé égal. Fait que là, on m'a slacké. Mais, tu sais, dépendamment de la grosseur de l'entreprise et du système, ben, tu sais, dans une petite entreprise, une PME, c'est très facile de voir qui performe ou pas, puis qui qu'on peut récompenser ou pas, puis qui va devenir un asset important de l'entreprise ou qui, tu sais. Fait que, puis quand ça marche pas, puis c'est tout, tu sais. Mais toi, t'es au privé, mais dans une grosse entreprise, quand même, qu'il y en a. Le monde, sont peut-être pas au courant, tu sais, que tu performes énormément. Ah, là, ils sont, là, mais ouais. Ah, ouais, ils sont, là. Il y a des meetings de performance, là, puis des round là, je suis rendu, c'est moi qui évalue le monde des round tables, genre sur qui performe bien, qui performe pas bien. Là. J'aime pas ça. C'est ça. Mais tu sais, tu dis que ça impacte pas le monde directement tant que ça, le Post-Canada, mais moi, ce qui me gosse le plus de ce genre de grève-là, oui, vos conditions, oui, genre, vous pouvez revendiquer, mais moi, c'est dès que ça vient affecter la vie des gens qui sont pas dans ce job-là, ça me gosse. Le monde qui bloque les ponts pour revendiquer des affaires, tabarnak, là. Tout le monde qui te voit va être comme « Fuck you, ta côte, tu m'en... Va être au travail en retard de toi. » Ça marche pas, faites pas ça. Ouais. Trouvez des nouvelles façons de manifester. Je sais pas. On est dans une nouvelle ère. Trouvez une autre façon. Allez sur TikTok, manifester, je sais pas trop. Mais fais-moi pas chier dans ma vie, tu sais. C'est pas de ma faute si tu revendiques d'avoir plus de salaire, tu sais. Pourquoi tu me coupes mon service? Dans ce cas-là, je peux comprendre un peu. Mais le monde qui bloque les ponts, le trafic, c'est comme, hey, tabarnak, là, tassez-vous, là. On n'a pas le temps de niaiser, nous autres, là. Ah non, même si c'est souvent des causes valables. Ça, ça c'est comme une autre affaire. C'est comme revendiquer pour les animaux puis bloquer un pont ou les étudiants. Bon, ouais. Puis ça fait chier le monde. C'est un coup, coup d'éclat pour que tu genre, te fasses voir, mais le monde en général, je pense que ça leur fait chier. Ben, si tu fais chier le monde avec ces affaires-là, ben c'est ça. Ils vont peut-être pas avoir ta cause à cœur ou ils vont dire qu'ils mangent la merde. C'est une immense pancarte qui bloque le pont, ça va te faire chier. C'est ma pancarte juste sur le sol que le monde la voit. Ça va peut-être avoir un meilleur effet déjà. Je sais pas. Exact. Mais. C'est vrai que leurs problèmes touchent tout le monde. Ben non, là. Genre, c'est pas mieux, là. De quoi ça? Les problèmes, genre, que je dis que moi, leurs problèmes de Post-Canada me touchent pas, mais. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça a rapport avec ça. Des immigrés clandestins, ça se plaint pas. OK. D'accord. C'est pas là dans qu'on allait se faire. Dans le restaurant de Chief Langlois, les employés ont même pas de pause. Hey, c'est quoi ton restaurant, Chief Langlois? Mais. Chez Langlois. Chez Langlois, poutine frite. Poutine frite. Poutine frite. On ne sert que des frites et de la poutine. Mais c'est ça, tu sais. Mais ouais, mais. On pourrait en parler. Patate Charlie. C'est-tu vrai, ça, là? On va checker. Check ça. Mets-la à l'écran, tu sais. On va y faire de la pub. Hey, mais c'est Google Review. On va aller lire les mauvais reviews. À Saint-Jérôme, Patate Charlie. C'est drôle, poutine frite. Hey, c'est à 4.4 sur 5, puis ça se tient dans notre chat. Moi, j'ai juste 4.6 avec Retro MTL. Pour wow, vrai, c'est beau ça. Regarde-moi ça, la belle petite cantine. Moi, ça, la belle poutine. Non, mais hot ça. Vas-y les lire. Vas-y. C'est où, c'est en bas? On s'en va complètement ailleurs. Va dans ces reviews, puis mets les moins bons en premier. Avec Google. Je peux-tu? Oui, comme les plus faibles. Les plus faibles. J'ai jamais vu une poutine avec une sauce aussi liquide, on dirait que juste de l'eau. Il y a 5 mois, OK? Là, il y a 2 ans, c'est un peu long, là. Vraiment ordinaire. C'est pas up-to-date, ces photos qui disent. Il y a 9 mois, OK. Ben, mais... Parce que moi, j'aime la poutine lire... goûte l'eau chaude et elle est grise. Non, je t'en veux pas, Chief Langlois. C'est pas pour montrer où est-ce que tu fais. On va mettre les plus élevés. En fait, c'est pour montrer que les gens sont unfair là-dessus. Check, il y a 6 mois, plein, 5 étoiles, genre plein de belles photos. Il y a plein de mauvais un an. Ah, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons les Oh, le monde, la sauce est grise. Ben non, là. Chris. La sauce est grise. Non, mais tu sais, c'est parce que les reviews, là, les mauvais reviews qu'on a, nous, entrepreneurs, propriétaires d'entreprise, quand c'est 1 sur 10 là, qui est peut-être un peu justifié. Là, c'est tellement pas fair. T'sais, les gens, ils pensent tellement qu'on leur doit tout. Que c'est ça que je voulais essayer de prouver. Là, mais là, bon... Ouais, on se correct. Là. Mais... Chief Lango qui dit qu'il y a eu des problèmes quand ils ont enlevé le style de gluten dans la sauce. Ah, c'est un défi. C'est devenu gris directement. Mais tu sais, man, mais oui, il y a beaucoup de monde qui c'est genre. Le monde vont dropper une étoile. Il y a une mauvaise journée. Là, c'est de mal, une étoile. Ah, c'est ça. Ah, ils nous crossent. Voyons, je crosse personne. Bref. Ça fait 60 ans que ça existe. Ah, ouais. 60 ans. Ah, fait qu'il a racheté ça. Nice. Il a racheté ça. Dans le coin de Saint-Jérôme, allez-y. Allez, ben oui. Je sais pas si c'est ouvert à l'année. Ah. Fait que voilà. Bon, écoute, on va. Suffit la pub gratuite, là. Non, on va sortir de la politique pour y retomber. Oui. C'est, excuse... Ça va sur Facebook? Ben, je vais aller sur Instagram. Il y en avait deux, je pense, Instagram. Il y en avait deux sur Instagram. C'est pas le même que d'habitude, d'ailleurs, me semble, ce que je suis allé voir sur Instagram. Poutine grise spéciale Game Boy. Oui, la poutine Game Boy, drette là, man. Wow. J'embarque. Hey, je suis pas vite à soir. Oh, c'est correct. OK, Gawette qui demande, est-ce qu'il va y avoir des streaming setup de pauvres? J'aimerais beaucoup, beaucoup ça, mais je ne trouve pas le temps. Ouais. Et de le faire pauvrement comme ça, c'est parce que quand je faisais ça, c'est que j'étais travailleur autonome à la maison. T'avais du temps, tu n'avais pas l'équipement fois, pour faire ça rapidement, mettons. Fait que tu faisais, exact, ouais. Mais j'avais du temps. Tu sais, quand je, des fois. Ouais, ouais. Fait que des fois, là, un après-midi, je suis comme « fuck off, là, je suis assez à jour quand même, j'ai du lousse. » Moi, gamer cet après-midi, m'a fait DuckTales. Ben oui. Là, je mets mon Kodak, puis je commence. Mais ici, je peux pas. Puis le soir, j'ai pas la force. Peut-être si on resetupait comme il faut, puis qu'on avait genre tout plugué d'avance, on pourrait le faire, là. Ben peut-être, mais faudrait que ça remplace un show. Ouais, ou je me pointe le midi, venez manger avec toi, puis on se fait un petit jeu d'une demi-heure, genre. Tout genre, là. Quelque chose de même, mais j'aimais beaucoup ça faire ça, soit dit en passant, énormément même. Je le faisais un peu dans le COVID, mais d'un, chez nous, je suis brûlé. Et puis, tout le monde est dans la maison, puis je suis pas à l'aise. Il ouais, faudrait peut-être tuer un Dracula dans le temps. Ouais, il faut tuer un Dracula dans le temps, absolument. SSS Franck qui pense. Que pensez-vous que Trump est président? Ça va repousser le référendum de PSPP? J'y pense ou pas. Ça va l'encourager? Ouais, mais il passera pas, PSPP, de toute façon. Ah, ben non. PSPP sera pas le premier ministre du Québec aux prochaines élections, quoique ça serait vraiment hot. Trump, mais, ça fait peur. Trump va mourir en poste. Là. Ben, Trump, ça fait peur, mais en même temps, on l'a déjà eu. Ouais, sauf que là, il y a genre toute la balance du pouvoir de son côté. Fait que c'est un peu ça qui fait peur, mais en même temps, on est au Canada, là. Notre argent va descendre. À l'opposé, tu sais pas que. C'est ce qu'on fasse, là. Ben là, écoute, aussi, il va faire des camps de concentration et puis kicker tout le monde dehors. Fait que là, au Canada, on va avoir beaucoup d'immigrants. Puis là, selon Québec solidaire... Dans son équipe, il y a Linda McMahon. La femme à Vince. Pour vrai? Elle a pogné quelque chose, je me rappelle plus quoi, là, dans son ministère. Là, voyons, donc on va se dire que c'est malade. D'ailleurs, j'ai écouté le documentaire de Vince, c'était très passionnant. C'était bon, hein? Man, j'étais plus capable d'arrêter à un moment donné. Là. Non, moi non plus, j'étais pas capable. C'est comme crissement hot. Là. Ah, c'était bon. Allez voir ça si vous aimez la lutte WWE Mr. McMahon sur Netflix. Le dernier épisode est très weird quand il est plus là. Genre, ouais. Il est accusé de plein d'affaires, puis genre, sa chaise est vide, puis tout le monde parle contre lui. Là. Exact. Mais pour vrai. C'est que le mouvement woke. Ministère de l'Éducation, j'espère que c'est pas vrai. Pour Linda McMahon. Ministère Algomofo, first time to chat, bienvenue à bord. c'est qu'il y a trop de gauche woke, tu sais. Puis ouais. J'aime pas utiliser le mot woke là, en passant, là, mais bon, c'est pour que ça soit simple. Là. Mais il y en a trop de ça. Puis ça crée des Trumpistes, tu sais. Ça reprend une balance. Puis ouais. Là, on a comme une réaction forte, immense, avec les mâles alpha, puis la droite, puis ouais, Trump, ouais. À toute ce gauche-là de genre... le monde sont perdus, puis il faut changer les genres, on peut plus genrer la façon qu'on parle, on peut plus rien faire. Fait que, tu sais, sinon on est raciste, sinon on est sexiste, sinon on pense pas aux autres, tu sais, alors que tout ce qu'on fait, c'est juste vivre, travailler. Fait que, tu sais, je le comprends ce qui se passe, puis je comprends parfaitement que Trump ait été élu. Puis Macron a dit de quoi d'intéressant. Il a dit, tu sais, les démocrates, ils ont parlé aux Noirs. Ils ont dit, hey, les Noirs. Ils ont parlé aux homosexuels, vous, les homosexuels, tu sais. Puis ils ont parlé à toutes ces catégories-là. Puis Trump, il a parlé à la nation. Ouais. Il a parlé aux Américains. Il a parlé, tu sais, nous. ici, notre pays, notre force, nos affaires, tu sais. Puis c'est ça qui a passé. Puis ça suffit, là. Il a passé pour la même raison qu'il a passé la première fois, le Make America Great Again. Ça parle aux gens des États-Unis, ça. Exactement, exactement. Puis ça suffit de créer des sous-genres de tout dans la vie. Puis c'est correct, là, comme le changer de sexe, whatever. Puis tant mieux. Puis ça, c'est important parce qu'il y a du monde qui sont malheureux. Puis là, ils sont plus malheureux parce qu'ils peuvent... Ben oui, comme librement être ce qu'ils veulent. Ça, je suis 100% là-dedans. Mais c'est quand tu pousses l'extrême de ça à l'enfoncer dans la gorge aux gens puis que là, on n'est plus capable de dire, mettons, un rodéo. Parce que ça, c'est ça sous-entend c'est ça blesse les animaux. C'est vraiment les extrêmes. Tabarnak, est-ce qu'il n'y a plus de fin à ça? Fait que c'est ça. Donc, c'est pas... Moi, c'est mon opinion là-dessus. Je suis pas pro-Trump du tout, là, loin de là. Puis je pense qu'il y a un style de maniaque, mais je suis pas surpris. T'sais. Robert Kennedy à la santé aux États-Unis, c'est un anti-vax, ce gars-là. C'est comme, c'est fucked up. Là. Ah ouais. Mais tu sais, je veux dire, premier coup qu'il a passé Trump, j'étais très nerveux quand j'ai vu ça. Puis je suis comme, oh shit. Moi, la première fois, j'ai eu la chienne. Maintenant, je vais être bien honnête, je suis plus rien du tout. J'écoute pas la politique, j'écoute pas la télé, j'écoute pas les nouvelles, je m'en calisse. Mm-hmm. Parce que je me dis. Juste des mauvaises nouvelles sans arrêt. Je peux rien y faire personnellement. Pourquoi je m'imposerais ça, tu sais? Trump a passé. OK, il a passé. Genre, comme un autre style des pères. Voilà, ça continue, là. Ouais. Pas mieux que Poutine, genre, que ce genre de gang-là. C'est comme, ben, on vit pas là. On est à côté, ça va nous impacter, mais genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse personnellement, genre? Il y en a qui s'offensent comme si, genre, c'est notre président. Genre, c'est même pas notre pays, là, aussi, là. Non, exact. Ben, mais je comprends la côté, oui, puis je comprends tout ce que ça va... Mais ça peut peut-être impacter le commerce, ça va impacter toutes nos affaires. Là, t'sais, mais tu sais, outre la personne dangereuse qu'il est, mettons, ses intentions commerciales peuvent peut-être être positives. C'est un businessman, le gars, même s'il met tous ses business en faillite tout le temps. Ben, si c'est pas lui qui le gère. Non, mais, tu comprends, dans son grand plan de X à faire, tu sais, il y a pas que des mauvaises idées, ce bonhomme-là, tu sais. Non, mais c'est juste que c'est un débile mental en même temps. C'est un débile avec des idées. Puis la plupart de ses idées sont atroces, mais il y en a peut-être là-dedans qui vont s'avérer, tu sais, profitables. Mais tu sais, Chief Langlois qui dit « Si le vote changeait quelque chose, ça ferait longtemps qu'il aurait enlevé le droit de vote. » Bon point. En même temps, je dis, le pourcentage du monde qui ont voté aux States, est-ce qu'on l'a su? C'était quoi? C'était-tu vraiment une majorité du monde? C'est juste le monde qui ont voté Trump? C'est dur à dire. Oui, j'ai l'impression qu'ils doivent voter beaucoup plus qu'ici. Parce que t'écoutais les débats, t'es comme, quelqu'un de moindrement sensé peut pas voter pour ce gars-là. Qu'est-ce qu'il disait, là? Ça faisait aucun sens, genre, tout ce qu'il disait, mais il a passé pareil. Ah, écoute. Un débile ou un sénile, là, c'est ça, tu sais. Ouais, ben ça, il y a ça aussi, là. Puis là, tu sais, je suis jamais dans les théories de conspiration, là. Mais là, la petite balle sur le bord de l'oreille, là, je la trouve louche, celle-là. C'est vrai. J'aurais pas magané le petit peu de sang, le point dans les airs, comme si c'était une pochette de rap, là. J'étais comme, ça fait très, très genre, je suis le martyr, puis j'étais comme, je le trosse pas, celle-là. Ah, je suis d'accord. Même si ça a l'air quelqu'un est mort là-dedans, genre, il est assez fou pour tuer quelqu'un, là, fait que ça se pourrait. mais on a marché sur la lune en passant. Oui. On dit 60% le taux de vote aux States. 60%, c'est pas tant que ça non plus, hein. Mais écoute, ça t'impactera, JF, peut-être un peu plus quand Poiliev sera au pouvoir. Ah, ben là. Qui sait? En mangeant des pommes, c'est correct. On est plus sur le choix à manger une pomme à chaque fois qu'on fait une critique. Fait que Paul, Pierre, combien de pommes? À chaque fois qu'il croque une pomme, c'est 1, 2. Bon, OK. Mais ils sont désespérés, ça va mal aux States. C'est la merde partout. Puis Trump est comme, fuck le gouvernement. Puis genre, c'est un peu un anti-gouvernement aussi, lui-là. Là, fait que c'est la raison. Et les States auraient donc dû élire une femme noire, mais non. Meilleure chose la prochaine fois. Ah, ouais. En tout cas, il y a eu un noir au moins. Ouais. C'est pas si pire. C'est le meilleur qu'il y a eu des dernières années, là. Ici, au Québec, on a eu une première ministre. Ouais, quelques semaines, là. Elle a failli se faire tirer, là. Elle a failli se faire tirer, esti, mais bon, en tout cas. Au moins, nous autres, on les pogne dans la ruelle, le monde qui s'est tiré, là. Ouais, un an et demi, je pense, de la bonne Pauline. Des CPE. Bon, elle a mis... C'est un vilain de Marvel. Elle a mis les infirmières dehors, mais elle a fait des CPE, ouais. Après ça, on a eu un gouvernement de médecins qui ont tous crappé à la santé. Fait que, tu sais. Ouais, ça, les médecins, c'est un autre dossier, là, présent. Ah, pas pour ces médecins. Ah, non, c'est ça. Bon, écoute, hey, OK, on va sortir de la politique pour aller dans le quoi d'un peu plus doux. On était pas dans la politique juste avant, en plus. Ah, on est dans la politique tout le temps, ici, finalement. Comment tu veux qu'on pogne, esti, en étant dans la politique? Ben, en même temps, si on a des opinions tranchées, vu qu'on dit de la merde, on est pas tranché. De views. Bon. On a pas assez de décolleté pour avoir des views, malheureusement. Alors, Rister Ruchindi. Oui. Attends, Rister Ruchindi. Aïe, c'est compliqué. Sur Instagram dit, est-ce que toi et tes associés avaient des regrets de ne pas avoir acheté le bâtiment qui abrite Retro MTL? Si l'occasion se représente et avec la baisse des taux, est-ce que vous iriez de l'avant avec un aussi gros achat? Merci. C'est une question intéressante. On aurait pu l'acheter, ben j'en avais parlé déjà il y a longtemps dans mon podcast, tout, je disais ça prend 1 million, et puis il était à 1 400 000 à cette époque-là, puis là si on a, à 1 million on aurait pu l'acheter, je suis pas mal certain, mais il a été vendu là, il y a 2 semaines là. Okay. Fait que le propriétaire vient de changer et puis on l'a rencontré, ça a l'air smooth, c'est cool. Puis voilà. Mais on n'a pas fait le move parce que ça l'aurait vraiment. Ça doit être le propriétaire de l'autre bâtiment. Lui, je pense, il tente le terrain. C'est bon. Je sais pas quel autre bâtiment. Mais bref, on a décidé de pas le faire parce que, bien sûr, tu sais, on aurait pu, mais on aurait été le cash flow, tu sais, ouais. Puis la première année, c'est la plus tough, tu sais, les taxes. Taxe de bienvenue. Ouais. Comme il y a 1000 affaires à c'est payer. Clair, là. Et puis les fenêtres sont dues, il aurait fallu échanger puis tout. Fait que bref, on aurait été tellement, mais tellement serré. Alors qu'on n'est pas lousse, là, présentement. Fait que, tu sais. Puis on. Ouais, pas te mettre dans la merde la première année non plus, là. Ben, c'est juste, c'est freiner le développement, tu sais. Ouais, si on fait ça, on n'a plus les moyens d'investir dans un, d'autres projets qu'on, ouais, puis ça bouge vite, là, qu'on a sur le feu présentement puis qu'on veut faire. Puis si on fait ça aussi, ben on va se mettre à, justement, il y a de quoi qui pète, ben là, Colin, on n'a pas le cash, fait qu'on va aller dans la marge de crédit, on doit déjà le payer, tu sais. Puis on n'a pas le cash, pas parce qu'on fait pas d'argent, mais c'est parce qu'on le réinvestit, on a tout le temps de quoi. Tu sais, les PME, rares sont celles qui ont un compte en banque, là, avec un steady 100 000 piastres dedans. Ouais, ouais, on s'entend. Ouais. On a de l'argent de côté pour ci, pour ça, mais si vous saviez... Les entreprises, les miennes, le bar ici, mais aussi, je suis sûr, le restaurant de M. Langlois, ou whatever, ça rentre, ça sort, le cash, là, tout le temps. Là, c'est ouais, des c'est vagues, pas un, c'est là, pas de du fou, revenu là, constant, parce que... Ben, t'as un revenu mais ça varie, constant, là. Mais il y a tout le temps des imprévus, où tu veux développer, tu fais tout le temps 1000 affaires COVID, en même temps. La COVID. Oups, Post-Canada. Puis ça, c'est une affaire aussi, Post-Canada. Nous autres, il faut trouver des solutions alternatives, bien sûr. Ben là, ça va coûter plus cher. Puis là, ça va être un peu plus long. Puis là, puis là, il y a d'autres facteurs aussi qui sont pas chiffrables, mais qui sont là. Mettons, Martine puis Joe, ils travaillent fort. Ils prennent leur temps. On pourrait être en train de faire autre chose, là. Ouais, mais là, ouais. Faut qu'eux, ils utilisent leur temps pour essayer de nous démarder pour que le shipping se fasse. Moi, il faut que j'utilise mon temps pour faire des publications sur les médias sociaux, répondre aux gens. T'sais. Tout ça, là, ça vient de nous retarder. Là, Black Friday arrive, on est super busy. Il faut tout c'est qu'on prépare. Clair, puis tout ça vient de crisser un wrench dans l'engrenage. C'est comme, bon, ben un autre calice d'affaires. Une chaîne à basic. Oui, j'avais prévu faire des vidéos pour ça. J'avais prévu faire des TikTok pour ça. Ben, guess what, je peux pas le faire parce qu'on a les pattes dans le Post-Canada. Faut se démarder. Fait qu'il y a tout le temps des choses comme ça. Fait que bref, pour revenir à l'immeuble, on ne l'a pas acheté. Puis, je pense qu'on a bien fait. Si on avait été vraiment plus riche, on l'aurait... Si ça nous avait moins affecté ou un peu moins, on l'aurait acheté. Ça aurait été le move intelligent à faire. Wow. Dans la perspective où est-ce qu'on se dit qu'on va rester ici très longtemps. Mais là, j'haïs pas ça avoir une fenêtre de 5 ans. Qui sait dans 5 ans qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement. Peut-être qu'on va décider de transformer... le temple en d'autres choses. Peut-être on va des franchises, je sais pas, tu sais. Fait que là, on a cette flexibilité-là maintenant, loin de faire ce qu'on veut. Alors, alors voilà. Ah. Donc, c'est ça la situation. Tu vas voir que sur Facebook, il reste plus de questions que le temps qui nous reste, je pense. Ouais, c'est ça. Mais non, on fera pas toutes les questions, je pense. Ouais, c'est intéressant, par exemple. On peut s'en garder pour le prochain, effectivement, là. Ben là, on peut faire celle-là que tu veux le plus, d'abord. Ah, genre, je n'ai pas que je veux plus, là. OK. Rénovation, ouais. C'est quoi de l'argent de la rénovation? Ouais, Chief Langlois. Ouais, acheter des collections aussi, en effet. Ça arrive. Quand les collections se présentent ici, puis c'est comme, oups, il faut dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars, ben il faut le faire, tu sais. Peu importe si c'est une période où est-ce que ça donne que tu as du cash ou que tu n'en as pas, il faut le faire parce que nous autres, la matière première, elle se présente. C'est pas nous autres qui... On lève pas le téléphone pour l'acheter. Ouais, là. Ouais. Ah, c'est grave. On n'a plus de triangle en métal. Ça nous en prend d'autres pour vendre, tu sais, les jeux rétro. C'est... Mais c'est pas des franchises que ça te prend, c'est les résidences Arcade Soleil. Des franchises de ça. Powered by Retro MTL. Ben, peut-être. On va se rendre là maintenant. Ouais, démarrer une location de jeux et de consoles hey comme boy, temps, c'est un autre ça genre. Serait de la merde là, pour hey, vrai. Tu serais dans voler du stock, j'ai l'impression. Hey, oui, on se ferait péter nos affaires, tout ça pour des locations à 10$, tu sais. Non, man. Le monde nous en parle, on a déjà pensé, puis immédiatement, on voit comme aucun intérêt à faire ça. Achète les chiens. Que des problèmes. Genre, achète, puis... sors-le du site, je veux plus y voir. C'est ça. Allez. Bon, OK. Maxime Langlois, que pensez-vous de la nouvelle mise à jour qui s'en vient pour le PlayStation Portal? Est-ce que ça vaut la peine pour j'ai une personne qui n'a pas de console de devoir débourser 218$ pour PlayStation Plus Premium pour qu'après un an d'abonnement, tout disparaît? J'attends votre réponse ce soir. Moi, je suis complètement dans le milieu. J'imagine que c'est pour jouer avec du stock qui vient du cloud. Là. Fait que si c'est ça, c'est une bonne chose. Ça disparaît après un an parce que ton abonnement a fini, j'ai l'impression. Renouvelle ton abonnement, tu le perds pas. Mais ça reste comme Game Pass sur. C'est un peu ça l'équivalent, en fait, là. C'est un Game Pass de PlayStation, si c'est le cas, pourquoi pas, rendu là. PlayStation portable, c'est rendu ça un peu, là. Mais on n'a pas les infos, fait qu'on peut pas en parler plus. Je te laisse répondre pendant que je m'en allais. Je sais pas trop. J'ai tout caché là-dessus. J'ai pas tant regardé. J'ai vu qu'il y avait de quoi, mais j'ai pas vu c'était quoi en détail en tant que tel, là. Je ne sais pas non plus. Moi, je suis mais en plus là-bas. Besoin de la console pour jouer avec le... OK, fait que maintenant, tu peux jouer avec le PlayStation portable comme un Steam Deck, mettons, là. Mais c'est quoi la PlayStation portable? L'affaire Bruno avait... C'est grosse manette, Bruno l'affaire, a acheté, ouais, là. Qu'on avait vu que des gants, là, qu'ils présentaient, là, que tu peux jouer remote de ton PS5 sur okay, ça. OK, fait qu'on n'a plus besoin de la console. Tu peux t'abonner PlayStation Online, genre, puis avoir les jeux qui download dedans, puis jouer sans la console. Ah, c'est de ça qu'on parle. C'est ça. Fait que c'est très bien. Hey, man, ça mais compte. Oui, tu perds tes jeux pour un an si tu désabonnes, mais c'est comme le Game Pass. Si t'es plus abonné, t'as plus tes jeux. That's it, là. Mais là, attends, si j'ai le même jeu dans ma PlayStation, puis je veux jouer dans ma Portal. Tu peux probablement. Mais c'est encore les mêmes features qu'avant, là. C'est ce qu'ils ont rajouté probablement le download, là. Convertir ça en boss scolaire avec une bonne d'arcade. Ah ouais. Le OK. Monde, ils ont bien rien. OK. Yeah. Ben, les choses à faire avec ça. La nouvelle mise à jour, OK. Est-ce que ça vaut la peine pour une... Attends, pour une raison qu'il y a la console de devoir débourser pour Premium qu'après un an? Ben, OK. Ben, Premium, c'est parce que ça te donne le... Les deux? Je sais pas. Ça donne... Non, mais Premium, ça doit être pour avoir l'accès à l'abonnement, là. T'es abonné à un service en arrière, c'est juste ça, là. C'est sûr que c'est ça. Bon. Écoute, prochaine question. Vincent Bussière-Lavallée. Salut Dom, toi qui es dans un commerce de Hochelaga, que penses-tu de la nouvelle politique d'espacement des collectes de déchets dans l'arrondissement? Et réponse de Richard Deschamps. Commande, tu viens de crinquer Dom à l'émission de passer 2 heures encore. C'est drôle parce qu'un de nos amis, on a bien des amis qui habitent dans Hochelaga ici, et puis oui, maintenant, Hochelaga, la collecte des poubelles est aux 2 semaines. C'est drôle parce qu'on en parlait dans notre chat de chumé un matin. Ouais, ouais. Et puis... ils mettent maintenant, quand tu mets tes vidanges au chemin le mauvais jour, ils mettent un petit papier pour dire hey, les collègues, by the way, ah, ouais, oublie okay. pas, c'est aux 2 semaines maintenant. Puis là, j'ai vu, c'est arrivé ce matin, ici, dans l'arrondissement d'Hochelaga, le maire de l'arrondissement, il est aussi propriétaire de l'espace public, okay. la microbrasserie. Ouais, ouais. Et puis, il y a l'usine, l'espace public, mais il y a le pub. Et puis là, il y a des gens qui ont pris tout leur sac de vidange avec les petits papiers dessus pour aller crisser ça dans l'entrée du pub de l'espace public. Calvaire le monde. Là. Avec genre « fuck you », tu sais. Est-ce que le monde sont épais? Le monde sont épais. Sacrément. Fait que là, le monde sont en... C'est tellement dommage pour ce maire-là, tu sais, qu'il y a une business sur le site. Puis à chaque fois qu'il y a du monde pas content, ils s'en prennent à la business. Il y a d'autres actionnaires là-dedans, guys. Il y a des clients. Puis tout, laissez, Chris, laissez... la vie de cette personne-là tranquille. Vous n'êtes pas content d'aller au conseil d'arrondissement. Ben oui, c'est ça. Il y a déjà des places pour ça. Puis passer un infoman. Ouais, tu m'allais dire. Puis that's it, tu sais. Mais commencez pas à attaquer la vie de ce gars-là. Là. Ce gars-là, il fait son possible, tu sais. Il veut juste le bien de votre quartier. Il n'est pas là pour vous faire chier. Exact. Puis là, moi, mon opinion là-dessus, c'est que il y a trop de déchets dans Hochelaga. Il y a des hosties de vidange partout. On pourrait dire, oui, mais Chris, commencez pas à couper les collectes. Il y a déjà des vidanges partout. Ouais, imagines-tu ouais. comment il va en avoir? Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est plus de la prévention. Là, les gens, ils sont pris avec leur vidange. Aux 2 semaines, ben ils vont peut-être en fabriquer moins de vidanges. Puis là, ça va aller en s'améliorant. T'sais, c'est de la prévention. Moi, c'est 2 semaines chez nous. En tout cas, ça fait longtemps. Là. Mais toi, t'as une grosse poubelle, la rive sud. J'ai une grosse poubelle, effectivement. Ouais. Ici, il y a des gens en appartement, tu sais, qui n'ont pas bien de place à stocker des vidanges, puis tout. Puis en effet, je peux comprendre. Puis ça peut faire chier, tu sais, les couches pleines de marde, comme Fred me disait. Tu sais, ça pue ces affaires-là. Tu peux pas mettre ça au compost, tu sais. Non. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait pour tout le monde. Mais. Allez pas faire chier le maire dans ses business, ça c'est cave. Ça, c'est une chose. Mais tu sais, c'est ça. Ben moi, j'habite pas dans Schlaga. Fait que si le commerce, il génère un sac de poubelle et demi par semaine, tu sais, je suis capable de le garder. Là. C'est grand, là, tu sais. Fait que j'ai pas de problème. Puis je les garde en dedans, mes vidanges, parce que vous savez, bien sûr, on se fait voler nos bacs. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, vous allez arrêter de rire de moi sur les médias sociaux. Les gens, pas les gens qui connaissent le lore, mais j'avais posté une photo de mes poubelles enchaînées. Ouais. Comme fou. Ça a fait le tour d'Internet, ça, puis le monde n'en revenait pas. Ben, c'est exactement ça qui va se passer. Dans Schlaga, le monde ne va pas vouloir acheter des poubelles pour stocker leur vidange dehors. Ils vont voler les poubelles des autres. Ouais. Et voilà. Fait que ça va être un chaos. Mais je pense que c'est un passage obligé vers l'économie pour la ville et puis peut-être essayer d'entraîner le monde à avoir moins de vidanges et tout. Moi, mes vidanges, ils puent pas, là. C'est mon compost qui pue, tu sais. Ouais. Toutes les pommes que tu jettes à tous les jours. Exactement. C'est tellement de pommes. Mais j'ai pas de... C'est ça. J'ai pas de couche pleine de marbre. Mais, tu sais... Le recyclage, moi, j'en ai énormément. Ouais, c'est clair, toi, là. Toi aussi, là. Oui. Mais, les poubelles, c'est ce que j'ai le moins. Tu dois en avoir quand même pas mal du rescage plus que moi. Puis non, Chief Langua, c'est pas que t'écris mal, c'est parce qu'on est en fin de podcast et on a de la misère à lire. Ah, c'est ça. On est fatigué. Fait que voilà ce que j'en pense de ça. Larry, c'est quoi vos petites manies inutiles dans vos jeux que vous faites souvent? Exemple, attraper le sceptre de boss qu'il touche à terre dans Mario 3. Ça a été posé cette question-là sur le hub. Moi, j'ai dit que ce que je faisais, c'est dans Mario 2. À la fin, là, quand tu bats, mettons, Birdo, puis que la bouche de l'aigle ouvre, moi, je saute de la plateforme jusque dans la bouche direct. Je veux pas toucher à terre. Mario 2 au NES, là? OK, quand Birdo meurt... Quand tu bats les boss, genre, t'as la tête de d'aigle qui ouvre, là, faut que tu rentres dedans. Ouais. Mais moi, j'essaie tant de sauter dans la tête et pas de marcher dedans. Moi, juste sauter dedans. OK, tu veux l'angle parfait. Ouais, je veux rentrer dedans en sautant, pas toucher à terre. C'est mon petit bonheur personnel. Ah, c'est vrai? Attends un peu, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai fait Mario 2 au WEG aussi. Je suis mort deux fois au boss de la fin, puis j'ai arrêté parce que j'étais trop fatigué. Ah ouais? Les yeux me fermaient, là, mais je me suis rendu à la fin deux fois. J'avais Ellie qui disait « Hey, déjà Mario 2 m'a venu checker ça! » À côté de moi tout le long. Mais moi, j'ai essayé de faire Mario 2 niveau par niveau. Ouais, moi, je fais les warp là, dedans, là, fait un bout. C'est quand même difficile. C'est tough, là. Ouais, puis je pense qu'il n'y a pas toujours des continues non plus. Non, c'est ça que je suis mort. Mais avec les warps, je me rends à la fin en 15 minutes, peut-être le 20 minutes max. Là. Ah ouais. C'est un bout que j'avais pas fait. Là, avec les warps, ça se fait super bien, en effet. Ça sera fait dans le temps des fêtes. Là. Absolument. C'est ma pocket. Moi, j'aime bien, je sais pas, souvent quand un bonhomme peut se pencher, je pitonne par en... Mettons, j'ai une zone, il faut que j'attende que la plateforme arrive. Là, je pèse par en bas, je fais juste me pencher de même comme une épée tout le temps. Si mon bonhomme peut rouler, je vais rouler n'importe où au lieu de marcher, c'est sûr. Les affaires, les dashs, là, ça, c'est automatique. Dash. Mettons, à Castlevania aussi, c'est la même chose, c'est de pogner une orb à la fin du niveau. Fait que dans Castlevania 3, ton sprite, il y a trois mouvements. Il est comme ça, loin en arrière, avec le fouet qui pend. Il y a un middle avec le fouet qui fait une demi-arche. Et puis le troisième mouvement, le fouet, il est long en avant. Fait que moi, j'essaye tout le temps de pogner la orb dans les airs pour avoir mon fouet qui pend en arrière. Là, genre. Ça, c'est mon plaisir de Castlevania. Ouais. Dans DuckTales, quand que tu bats les boss puis que t'as genre un sceptre qui tombe, qui rebondit, là, moi, je le pogne quand il est dans les airs. Je veux pas qu'il touche à terre. Là. Ah ouais, absolument. Ah, il y a bien des affaires comme ça. Il y a Tony Biss, c'est drôle, qui dit « J'ai essayé de chercher des vidéos de Baby Mario sur le tableau de gazo sur YouTube. C'est normal que je trouve rien. C'est un vieux souvenir fiévreux, tout ça. Stay tuned sur ça. » Oui, en effet. Mais c'est Doki Doki... Non, c'est Baby Okatu. Je sais pas, c'est Bio Miracle Boucoté ou pas. Fait que fais juste taper Bio Miracle Konami. C'est sur Famicom. Tu vas arriver dessus. En fait, c'est sur Famicom Disk System. Oui. Non, il l'a sur Famicom. Mais je pense qu'il y a les deux. Oui, parce que je l'ai déjà joué sur NES. Fait que c'est avec l'adapteur Famicom, probablement, là. Oui, mais le Disk System, c'est la petite disquette. Là. Ouais. Parce que je suis plus sûr. Ah non, je dois me tromper. Mais oui, Famicom, le vrai nom, c'est pas Baby Mario, c'est ce que t'as dit là. Exact. Sébastien Trottier, dans le temps, les jeux qui sortaient en même temps sur les consoles de salon et consoles portables, la version portable était moins bonne. As-tu des jeux que tu as préférés sur portable, contrairement à la version console? Lui a un exemple. TMNT est meilleur sur GBA que sur GameCube. Ah, ben, tous les jeux Star Wars 3 Revenge of the Sith, la version Game Boy est meilleure. Là, c'est drôle parce qu'on parle des jeux développés chez Ubi qui sont les anciens Tribute. Ils ont tout développé ces jeux-là. Ouais. Ils sont effectivement bons parce que ils ont réinventé le gameplay en beat'em up 2D. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un style intéressant qu'on tout aime. Fait, là. Fait que oui, Elebits sur Wii est un espèce de drôle de jeu où est-ce que tu, avec ta Wiimote, tu déplaces des affaires dans une pièce pour envoyer tes Elebits à des places. C'est 3D. Mais en 2D, sur DS, c'est comme un genre de Pokémon, là, carrément. Ouais, là. Ouais. Donc, c'est très surprenant, ce jeu-là. Vraiment. Il y a beaucoup de jeux qu'il y a eu sur Wii et DS, tu sais, les deux. Ivy de Kiwi. Ouais, ouais. Qu'il est agréable à jouer sur DS parce que c'est un stylet, tandis que sur la Wii, t'es là avec ta main, ah, tu sais, ouais. Puis c'est comme chiant. Fait que ça, c'est très cool. D'autres jeux qui étaient meilleurs en version portable. C'est tough, là, pour elle, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple. Attends, je cherche au Game Boy dans ma tête. C'est Robocop au Game Boy. Des affaires de même. Gremlins 2. Mais au NES, c'était bon. J'en ai donné. Genius qui dit son Baby Mario est en deux morceaux à son club vidéo avec un petit ruban bleu poudre dans le milieu. Ben, c'est les cassettes Famicom avec l'adapteur Famicom. Là, dans le ouais, film. Ben, en fait, c'est des Micro Genius là, qui sont des bootlegs fabriqués en Amérique du Nord qui, en effet, il y avait le petit ruban bleu pour que si tu tires sa cassette, ça reste, ouais. le convertisseur reste pas dans le fond de la machine. Exact. Monseigneur Alex Neveu, est-ce que Montembeau va jouer à la Coupe des Quatre Nations? Jeff, as-tu slacké de magasiner des cordes ou c'est encore rough au travail? Non, j'ai pas fini de magasiner mes cordes. C'est encore très rough. Là, je sais pas si c'est parce que j'aime pas mon nouveau poste ou c'est parce que le projet est en feu non-stop. Là. C'est peut-être un peu les deux. Mais qu'est-ce que je t'aide de faire des projets où c'est que tout est en feu? Puis Jeff vient sauver. Je suis comme, hey, tabarnak. C'est jamais relaxant. Peux-tu partir un projet puis pas me faire garrocher sur un projet qui est dans le problème, en plein milieu du problème? Là. Ouais, c'est tout le temps ça, moi. Ça marche pas, on a sous-côté Jeff et Nzali. Je suis comme, hey, tabarnak, là, faites n'importe quoi, là, genre. Ah ouais. Puis là, je suis là comme pour sauver le projet, puis je suis au point, je suis comme, non, moi, je sauve pas le projet. Moi, je vais faire ma partie de la titre, là. Mais ouais, c'est pas très hot, là. Mais est-ce que Montembeau va jouer à la Coupe des Quatre Nations? Je sais pas ce que c'est. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce que la Coupe des Quatre Nations? Ben, pas si pire, là, Montembeau, là, mais il n'y a pas la défense devant lui, là. Fait mieux, ben, mieux que Primo quand même là. Ouais. Primo, ben, oui. Primo c'est pas mal fini, je pense ça là. Mais l'autre gardien là qu'on a dans Fuller. Ouais, j'ai un blanc son nom. Aussi, mais je pense qu'on a de quoi avec ce gars-là, man. Plus que Montembeau là justement. Ouais, peut-être, ouais. Ça va être très intéressant. Ça. D'ailleurs, la soirée du podcast devrait revenir la semaine prochaine vendredi. On a eu deux choses que les gars étaient pas disponibles que j'ai annulées. Puis vendredi passé, j'étais au WEG. Fait que. Bon. C'est ça. J'avais dit un show 2 semaines. Ça sera un show 2 mois, finalement. Écoute, au pire, ben faites-le understaff aussi, s'il manque du monde. Non, mais understaff à une personne, c'est beaucoup non, understaff. Mais ben, les deux fois, il y avait juste moi. J'étais comme, ben là, fuck, là, je vais annuler. Là, mais non, s'il y a juste moi, ça marche pas, en effet. Fait que c'est ça. Mais oui, non, mais c'est fait pour qu'il y ait des rotations de staff. Ça a mal à donner, là. Simon, dans le chat, il nous dit c'est un genre de Coupe du Monde avec pas assez d'équipe pour en faire une. Ben d'abord, il va y aller. Là. Ben il va y aller. Se blesser là. Ouais, ou peut-être pas. Moi, je ne l'enverrai pas. Là. Ouais, non plus, là, mais. Patrick Doyon, quels sont vos trucs et astuces pour prévenir et ou combattre l'insomnie? Pas boire de café après le dîner pour prévenir l'insomnie. Ouais, en fait, combattre l'insomnie. Non, prenez. Ouais. Ben, rien que pour pas faire d'insomnie. Ouais, ouais. Mais ça marche pas. Je fais de l'insomnie depuis toujours. Là. Des fois, je bois du café après le souper, genre au resto, puis je dors pas mieux. Ou moins ah, moi, mal. Je fais jamais ça. C'est assez rare, mais. Ouais, 4 café. Heures, là, c'est pas mal mon plus tard là, pour un deuxième café. Ah non, moi, c'est 2 cafés le matin, là, back-à-back. Là. Ah, ben, moi aussi. Deux tasses, puis that's it, là. Ouais, 2 gros cafés le matin, puis l'après-midi, j'en prends plus la semaine, sauf exception. Ouais, moi, c'est ça, sauf exception, très rare, là. Moi, très rare. Très genre demain après-midi, vu que j'ai pas de cash, ça se pourrait que je suis fatigué, puis j'en prends d'un. Demain soir, mon gars, une game de hockey, avec là, on se couchait tard. Mais. Ben, la masturbation, oui, mais des fois ça m'achève, mais C'est prendre une marche avant d'aller dormir, c'est vrai que ça avait de la tête. J'avais attendu une douche froide avant de se coucher aussi, ça peut aider. Oh. Mais c'est rough, là. J'ai comme pas envie de ça. Moi, non, je pensais à une douche chaude, en fait, pour endormir. Je pense que c'est une affaire avec tes nerfs, là, aussi. Mais ouais. Moi, une pièce bien froide, bien important, là, 19 pour dormir. Ouais. C'est trop essentiel. Chaud, c'est indormable. Quand il fait très frais dehors, j'ai le ventilateur sur moi, pareil, là, puis j'ai pas beaucoup de couverture. Ouais. Oreiller froid, pièce froide, lit chaud. Et puis, moi, je veux pas de son, hostie, puis je veux qu'il fasse noir, nos pitch black, là, idéalement. On faisait méditation. Il y a une technique de respiration aussi, là, que tu fais genre un respect profond, tu lâches pas, tu re-respires encore plus, puis t'expires par la bouche, quelque chose de genre, là. Ah, tu peux faire 3-4 fois, puis c'est pas de t'endormir, puis ça marche. Là, c'est de la relaxation méditation, là, tu sais, c'est un petit 20 minutes de Death Stranding. Moi, j'ai pas la patience de la méditation. Non, puis j'essaie des fois, puis j'ai de la misère, là, à mettre off, là. Sinon, moi, j'avais un truc quand j'étais plus jeune. Je le fais encore des fois, mais moins parce que genre il y a d'autres mondes dans la maison. Mon gars est là des fois, mais me partir une télésérie que je connais beaucoup, puis je me ferme les yeux. J'écoute le son, puis je finis par m'endormir, puis genre j'ai un timer. Ma télé ferme dans 2 heures, mettons, là. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas avant, là, genre, je dormais, là, mon frère, il me dit « Chris, c'était un DVD d'un gars de fille pendant genre 8 heures de temps. » Genre, il y avait la loupe qui jouait en arrière super fort dans ta chambre. J'étais comme « Oups. » J'ai endormi là-dessus, là. Ah, moi, je serais pas capable, ça. J'ai besoin de 4. Mais moi, j'essaie de penser à des affaires random. Parce que si je fais de l'insomnie, c'est parce que je pense à la job. Je pense à 1000 affaires. Je pense à tout ce qui pourrait chier. Je pense à tout ce qu'on pourrait faire. Puis je pense à des niaiseries. Puis ça prend tout. Puis ça me fait bifurquer sur d'autres affaires. Puis là, je me mets à penser à quand j'étais au secondaire. Puis là, oui, lui, je l'ai haïssais en tabarnak. Puis là, qu'est-ce que j'haïs? Puis là, il n'y a pas de fin. Fait que moi, j'essaie de passer à des affaires random. Ouais. Genre dans le bois. Une bulle de verre dans le bois. Je suis là-dedans, il y a des coussins. Les bébites, l'eau m'atteigne pas. Tu sais, je suis paisible. J'essaie de me trouver des endroits paisibles où est-ce que. Un Atari sur le côté, plein de coussins. Genre. Oui. Toutes des images que le AI pourrait faire. Là, j'ai vu des belles images AI dernièrement. C'est comme une pièce là, chaleureuse, tout en bois, là, comme nos anciens Kanata. Ouais. Et puis à l'extérieur, grosse tempête de neige, mais un petit foyer dans le coin, lumière tamisée. Là, je m'imagine là-dedans, là, sans aucun souci. Et puis là, des fois, je réussis à comme fade out, puis à être dans le random. Puis c'est comme ma tête est dans le random que là, je le sens, je vais m'endormir. Moi, je m'endors quand même facilement. C'est que je me réveille à chaque heure et demie. Là. C'est ça le problème. Ah, ben, je moi suis aussi, tout le temps réveillé. Je me réveille après chaque cycle de sommeil. Des fois, j'en ai en ligne 2. Je pense que j'ai scrappé mon sommeil quand je suis allé à l'hôpital et la lutte en même temps. J'avais tellement pas beaucoup de temps, puis je regardais quasiment les minutes que j'avais pour dormir, puis ça me stressait au bout. J'étais sur appel, ça me stressait. Fait que j'ai l'impression que je suis encore prêt que ça. Là. 20 ans plus tard, malheureusement. Là, mais... ça. C'est pas si pire. Le WEG, ouais, pour bien dormir. Là, il est déjà 10h15, puis on se rendra pas jusqu'à la fin. Regarde les intéressants. Là, fatigué, puis je vais on peut arrêter aussi. Ah, moi aussi. Là. Puis je vais garder. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On n'aura pas besoin de faire un pause de questions. Ouais, on va les avoir le prochain coup. Ouais. Fait que. Tony Biz qui dit « Je m'endors souvent sous l'épisode de Nick qui parle de Street Fighter, de movie, de game. Je m'endors avec un beau sourire. » Écoutez les archives de Retour Nouveau en background en dormant. C'est très bon. Mais y en avait-tu une, Jeff, que tu voulais qu'on fasse? Là? Non, pas nécessairement. Là, Je vais essayer d'en trouver une pas trop compliquée. Là. Ah, y a une qui parlait de lutte, je peux te répondre rapidement si tu veux. Là, mais okay, on peut le garder pour le prochain aussi, dans le fond. Ben, je la cherche, je sais pas. Là, je sais pas la lutte... C'est donc bien stressant. Mais on peut aussi ne pas les finir. Là. On est quand même à 10h15. Là. Ouais. Hey, ça se répondra la prochaine fois. Ça se répondra la prochaine fois. Pour vrai. On les perd pas vos belles questions. On va toutes les garder. Bon. Chief Langlois, soin, allez vous coucher. Merci pour le bon 2 heures de temps. On essaie de survivre. Là. Écoute. Ben voyons. Avec de la belle musique. Ouais, je l'ai mis à la conclusion puis je l'ai monté avant que ça ferme. On va essayer la conclusion directement comme ça. 150! C'était le 150e épisode, il n'y avait rien de spécial. On avait des Joe Louis, puis on avait des beaux gags. Au début, c'était bien. Ah non, mais c'était un très bon épisode, comme d'habitude. Toujours un bon spectacle. Mais on avait des Joe Louis, puis voilà. 150e, retour de WEG, retour de tournoi de hockey. On fait ce qu'on peut. Exact. Yeah, on en fera des affaires spéciales. Ah, oh, c'est pas ça qui manque. Là. Notre ami Éric Hébert a parlé d'ailleurs de faire un party hub. Ah ouais. Avec les gens dans le hub qui sont tous aussi des Patreons de Papa Cassette, j'imagine. Là, ouais, ouais. Fait que. J'ai déjà fait en dormant, je suis dans les 2 viewers sur Young Media. Ah, ça va être moi le 2e viewer alors. Hey, Palace qui subscribe, PA, merci beaucoup, PA. Hey, merci, Palace. Subscribe pour man. 3 mois, bien content de te voir dans le chat. C'est vraiment gentil, ça. Yes, il arrive juste à temps. Tu vois, il vient de coucher ses enfants, puis là, il programme. Là, sa soirée commence, là, Palace. C'est ça, là. Il programme à mort. Il a manqué le bout que j'ai dit qu'on avait fini Ghostvania Weg, mais j'ai envoyé une photo direct quand on l'a fini. OK, OK. Y a-tu répondu très rapidement? Non, pas très, très rapidement, mais dans l'heure, mettons, là. Dans l'heure, dans demi-heure même, là, genre. C'est rapidement, c'est ouais. Rapidement quand même. Quand même, là. J'ai bien aimé ça, Palace. Ouais, c'est vraiment un bon épisode. Et puis aussi, on a eu du fun. Comme entre humains, là, tu sais. C'est très plaisant, ouais. Fait que si à un moment donné, tu veux sortir de Dirty Pointe-Saint-Charles, on pourrait aller à l'arcade prendre une bière ou quelque chose. C'est pas Dirty Ville-et-Mort. Ville-et-Mort, c'est vrai. Dirty Ville-et-Mort. Ouais, on ira prendre une bière à l'arcade, certain, là. Absolument. Mais c'était cool, puis j'ai réécouté l'épisode, puis c'est super intéressant, c'est pertinent, tout est très bon, fait que. Oui. Props, c'est vraiment un bon épisode, là. Vraiment. Oui, absolument. Avec plaisir. Excellent, good. Man. Ça sera un rendez-vous. Fait que merci à nos Patreons. Oui, merci beaucoup. Et puis, ils s'en rajoutent toujours. Alors, c'est vraiment très apprécié. Merci à tout le monde dans le chat qui nous remercie pour le 150e et puis de on, faire on ça. On peut juste continuer puis on lâche on pas. On continue. Ça, le décor est toujours pas fait, mais on va y arriver. On en parle. On a des bonnes idées. Une petite tablette, là, de la couleur. On sait où qu'on s'en va un peu. C'est ce qu'on va. Ouais, c'est ça. Faut prendre le temps de le faire. Ce qui manque, c'est le temps. C'est le temps. C'est tout le temps ça. Faudrait prendre une couple de jours off, là, puis on battrait ça en 2 secondes. Oh, ouais, ouais. Aller faire chercher le bois, puis en tout cas. En fait, faut s'hospiter la job, puis faut se pogner une fin de semaine de venir faire des couches de peinture, puis that's it, là. Ça se ferait, là. Mais c'est l'ouvrage. C'est l'ouvrage, puis je pense que le décor va être non utilisable le temps qu'on le fasse. Il faudrait le faire chez nous, quasiment le podcast. Ouais, ben il y a ça aussi. Ça se ferait si on a besoin. Ça serait chaotique pendant qu'on fait ça. Dans les fêtes, on aurait peut-être à être en break, on pourrait peut-être travailler là-dessus un peu. On regardera ça. Ah, j'avais prévu me saouler puis jouer à Mendel Palace. On jouera ici. Bon, ben, merci à tous. Allez sur le hub. J'ai muté mon Discord depuis longtemps. Tout est muté tout le temps, moi aussi, mais je vais de temps en temps dans la journée. Fait pour... que j'y suis pas du tout, mais si vous voulez me parler, c'est plus Facebook, médias sociaux, mais allez sur le hub quand même. Il y a de l'action. Ton channel Papa Cassette est très actif. Tout le monde jase là-dedans. Fait que t'es pas là, mais toi, on jase. C'est con, pareil. Je suis même pas là. Tout le monde est comme super actif. C'est fou. Hey, Chief Langlois, peut-être tu pourrais venir nous cooker des poutines aussi pour nous aider. Ça me donnerait du courage. Imprégner les murs avec une bonne odeur de poutine en permanence. C'est ça. Oh boy. All right, on va aller se coucher. Yes. Merci tout le monde. Bye. Bye.